Voici le quiz du public. On terminera l'émission là-dessus. La suite des questions du concours Miss France. Dans le public, nous avons des jeunes, des moins jeunes. Mais tout le monde est un peu jeune ce soir. On est bien. Oui, ça va. Tout le monde a l'air relativement intelligent. Oui, presque. Voilà, presque. En tout cas, c'est pas flagrant, si c'est pas le cas. voilà. Et nous allons commencer par notre stagiaire. Notre stagiaire, je l'aime bien. Je l'aime bien. Inès. Oui, Inès. Ça va, Inès? Oui. Ça va, Inès, stagiaire qui est avec nous depuis lundi. Lundi. Elle se fait déjà chier. Je crois qu'elle s'est fait chier depuis lundi. Elle n'a pas arrêté, oui. Bonjour, je me fais chier. Bon, c'est vrai que t'es arrivé ici. Pousse-toi, Jeff. Je te vois pas avec ta. Je la vois pas avec ta. Bah, c'était hier en même temps. Ouais. C'est vrai que t'es arrivé hier et que t'as dit où est-ce que je suis là. Tu savais pas où t'étais. Elle ne sait pas quoi répondre. Je vais répondre à la question. Mais regarde mes mains. Je te parle. Je disais, est-ce que c'est vrai qu'hier, tu savais pas où t'étais quand t'es arrivé à Énergie ? Tu parlais du bureau. Le bureau. Ah, tu savais pas où était oui. Le bureau. Ah oui, bah oui, c'est normal. Ils m'ont répété, ils m'ont dit, on savait pas où elle venait. Je dis là, quand même, un peu. C'est marqué Pierre, partout. T'es mauvaise langue, toi. Hein. T'aimes bien foutre la merde. Hein. Mauvaise langue, toi. Je mens pas. Inès, voici la question, concentre-toi. Et personne n'aide. Le premier qui l'aide, je le sors. Je le lapide. Je le lapide. Je lui mets un gilet jaune, je le téléporte à Matignon. Ou dans un quart de CRS. C'est vous qui voyez. On y va, voici la question. Inès, qui a composé l'Ode à la joie, qui est l'hymne de l'Union européenne ? Est-ce Wagner, Beethoven, Haydn ou Mozart ? Tu as le droit de réfléchir à haute voix, hein. On est à la radio, c'est pas gênant. Tu as le droit de réfléchir, quel est ce mot ? Attends, tu as le droit de... Je connais pas ces rappeurs. C'était quoi déjà la question ? Qui a composé l'Ode à la joie ? Non, ça n'est pas Big Flo et Oli, ma chérie. Est-ce Wagner, Beethoven, Haydn ou Mozart ? Mozart ? Mozart, c'est ton dernier mot ? Oh, oui. Bravo, c'est Beethoven. Ok, c'est très bien. Tu ne seras jamais Miss France. Le chien Beethoven. Celui qui fait la musique. Lequel? Attention, le nous allons. Non, pas lui, pas lui. À côté, à côté. Pas lui, pas lui. Trop intelligent. Quel est ton prénom? Ça va, Matteo? Matteo? Matteo. Ah, Matteo. Matteo, il manque. C'est le père qui veut écrire Matteo, mais qui oublie une lettre mère, je l'ai appelé Matteo. Oh, c'est resté. Bon, bon, c'est resté, on l'a appelé Matteo. Voici la question. Tu viens d'où, Matteo? Ok, vous parlez bien fort, hein, parce que... Fond, comment ? De Paris. Ok, Mathéo. Mathéo, parmi Oh, je vais te faire un truc simple, Mathéo. Quelle est la capitale de la Pologne? Cracovie, Varsovie, Wrocław ou Lodz? Varsovie. Mais c'est génial, Mathéo. Hein? C'est ça? Hein? Je sais pas. J'ai dit au hasard. C'est la bonne réponse. Bravo, bravo. À côté, notre auditrice qu'on a eue au téléphone hier qui devait partir en Tunisie et qui avait oublié son passeport, c'est elle. Voilà, avec son chéri à côté, à qui on lui a quand même dit: vous préférez partir seul si vous voulez. Et qui m'a dit tout à l'heure, juste en antenne, il m'a dit: je me suis quand même posé la question 3 secondes. Hein. Il pensait au maillot de bain et tout, puis après, il a vu le regard de sa nana, il s'est dit: je vais mourir. D'ailleurs, vous n'êtes pas en short, hein? Hein? On avait dit en short. C'est parce qu'on a été acheter des vêtements tout à l'heure. D'accord, désolé. Ah, juste pour l'occasion. On n'avait rien. Attention, voici la question, tu te concentres. Qui déclare en 44 Paris outragé, Paris brisé? Georges Clemenceau, Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle? En plus, je t'ai pris un nom d'aéroport pour t'aider, toi qui n'es pas parti. Est-ce que c'est Georges Clemenceau, Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle? Je dirais la station de métro. Georges Clemenceau? En plus, je t'ai pris un nom d'aéroport pour t'aider. Est-ce que c'est Georges Clemenceau, Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle? Clemenceau? Ouais, j'ai pris un nom d'aéroport pour t'aider. Est-ce que c'est Georges Clemenceau, Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle? Charles de Gaulle? Bonne réponse! Oh, mais du premier coup! Quoi, l'aéroport Clemenceau? Allez, on va aller. Derrière. Toi, ton prénom? Clément. D'où tu viens? So. Mo. D'où tu viens, Clément? Mo. Mo. Ah, je croyais que c'était une vanne. Clément Mo. Clément Mo. Mo. Ok, Mo. Dans quel film? Oh, c'est facile ça. Ah, c'est facile. Là, on termine là-dessus, elle est facile. Tout repose sur toi. Les Miss France ont su répondre. Hein. On y va? Quelle superstar américaine de la chanson commence sa carrière dans le groupe Destiny Child? Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna ou Taylor Swift? Personne n'aide. Rihanna? Oui, bien sûr. Ils sont choqués à côté. Oui. Ils sont choqués. Comment? Ah oh, ouais, c'est bien. Charles de Gaulle. Georges Clemenceau. Beethoven. Bien sûr. Le chien Beethoven. Non, tu t'es trompé. Encore une, tu peux y arriver. Taylor. Non. Encore une. Beyoncé. Là. Oh bien. Comment tu dis? Beyoncé. C'est la bonne réponse. Allez, bravo. C'est bon, on y va. Bravo. C'est là-dessus qu'on va se souhaiter une bonne soirée, on n'a pas été mauvais. Non, ça va. Non, il est quand même facile leur questionnaire. Ouais, c'est simple. Hein. Non, vous êtes d'accord, enfin, c'est super facile. Moi, je crois que c'était des trucs un peu plus élevés que ça. Il y a une question, dans quel film Dark... Tiens, on va revenir sur notre copine de droite, là, Inès. Ah. Oh là là, ils m'ont demandé 2 trucs à faire. Dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke Skywalker « Je suis ton père et personne n'aide » Star Trek, 2001, l'Odyssée de l'espace, Soleil Vert ou Star Wars? Allez, ben moi je m'en vais parce que là c'est pas possible. Je ne tiens pas. C'est une question piège ou pas? Alors non, en théorie non. En théorie là. C'est une question culture générale. C'est mais alors vraiment. Star Wars. Es-tu sûr de cette réponse? Bah oui. Bravo Inès. Bonne soirée à tous. Demain n'oubliez pas, il sera avec nous. Il y aura Soprano qui sera là. À la vie, à l'amour. Demain vous suivrez tout sur Facebook, dans le Facebook Live. On va vous laisser avec toute l'équipe du Rico Show. Vous allez bien les amis? Ça va Koé, t'es en forme? On va très très bien. Tu nous as filé une pêche d'enfer. Ah ouais. Et on a eu la demoiselle en bas qui nous a fait très très peur sur Dark Vador et Star, qui a mis 2 minutes à nous trouver Star Wars. On a eu très très peur. Moi j'ai appris un dos Koé. Il y a un truc qui va disparaître. Faut bien que t'écoutes l'émission, c'est ouf. Non mais sérieux, il y a un dos qui va disparaître. J'en sais pas plus que ça. Bah je t'ai vu tout à l'heure avec. Voilà, un truc qui va disparaître. Bordasse. Un truc. Ah non. Alors Koé, je sais qu'on a essayé, mais tu m'as pas payé assez cher. Attends, j'essaie de réfléchir. On m'avait vu avec un truc. Ouais, je t'ai vu avec. Tous les jours, vous vous en servez tous. Ça disparaît. Une bouteille ça d'eau. Disparaît. Une bouteille d'eau en plastique. Non, mon frère. Un téléphone. Ça va disparaître, ça c'est une oreillette. Non. Un micro. Non. Un casque? Je crois que c'est un téléphone. Eh les gars, vous êtes pas loin, ça chauffe, il va falloir écouter l'émission. Un téléphone. C'est la technologie? Ouais, c'est une techno. Le Bluetooth? Ah non. Tout ça reste. Non les gars. Clé USB, non. Alors les gars, j'offre un cadeau au premier qui nous dit ça, puisque même Koé et son équipe y arrivent. Arrête, on est chaud, on veut jouer. Arrête, allez, allez-y les gars. On part pas si on trouve pas la réponse. Les ordinateurs partent. Je finis à 23h. Allez-y. J'ai demandé à Inès, qui est à mon avis qui est au taquet. Vas-y Inès. Qu'est-ce qui peut disparaître qu'on utilise tous les jours? Ça y est. Star Wars? Clémenceau. Georges Clémenceau. Non. Un homme. Les gars, réfléchissez. Allez les gars, c'est une techno. Oui, oui. On s'en sert tous les jours. Votre cerveau. Oh non. On aurait aimé le trouver déjà. Une techno qui va disparaître. Une techno qu'on utilise tous les jours. Un coton-tige sur un coton-tige. Techno. Je sais. La télécommande de la télé. Bravo. Exceptionnel les amis, ça y est, bah oui. Ça va disparaître en 2019. Tous les nouveaux téléviseurs se connecteront avec votre smartphone. C'est pas une vanne. Comme ça, t'as plus de batterie, t'as plus de wifi, t'as plus de télé. Comme ça, quand tu perds ton téléphone, t'es vraiment dans la merde. Eh ben, je vous embrasse les amis, bonne soirée. Bisous l'équipe. Bisous. Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Les amis, on va se régaler, pas mal de choses. Il n'y a pas que la télécommande qui va disparaître, il y a autre chose qu'on touche tous les jours les amis. C'est palpable, c'est physique, c'est ces deux DOS. La télécommande déjà c'est ouf, on va parler d'un deuxième DOS. On aura toutes les news de la journée, le VTC de Malik, l'équipe est en forme les amis. On va se régaler, on se met promise et on en parle sur Énergie. On est là jusqu'à 23h pour kiffer, pour le meilleur, je vous aime. Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Tellement content de vous retrouver. Vous venez 0800 70 42 48. Toutes les news de la journée. Et puis dans deux minutes, je me ferai passer pour le patron d'une grande enseigne de jouets. Restriction de budget, on cherche un Père Noël. Ce sera le responsable qui fera le Père Noël dans le magasin. Ça va être énorme. Croyez-moi, lorsque le boss appelle, on se plie, hein, tout simplement. Et puis on parle des choses qui vont disparaître. Là, tout de suite, on a déjà appris que la télécommande, c'est fini en 2019. Les téléviseurs seront accordés à vos téléphones. On est tous choqués. Mais pas que durant cette année. Vous allez voir un nouveau DOS et des choses vont disparaître. Comment elle va, ma Sarah ? Bonsoir à tous, bonsoir mon Rico. Alors moi j'aurais dit, d'après l'haleine purulente de Sylvain, elle commence petit à petit à disparaître, la brosse à dents. La brosse à dents. Non, elle existe toujours, bien que Sylvain s'en passe. Comment il va le tombeur ? Eh ben écoute, en pleine forme. Et moi je pensais, parce que là j'ai des crédits sur le dos en ce moment. D'accord. Est-ce que c'est des crédits ? Ah non, malheureusement non mon Sylvain. Bon, tu vas devoir les conserver avec un taux qui va gonfler d'année en année. Hein, et puis un huissier qui arrive. Hein, d'ailleurs, Maître Kiki est déjà à la porte. Il attend que tu rentres de l'émission. Ça va, JM ? Écoute, au taquet comme tous les soirs. Ah oui, on est en forme. Moi, je pense que c'est la sieste qui va disparaître parce que ça fait 10 ans que je suis sur Paris. Bientôt, je la fais plus. T'as vu quand tu montes la sieste. C'est fini, il n'y a plus le temps. Il y a le temps de rien. C'est ça qui disparaît. C'est fini. Eh bien, la sieste a déjà disparu en région parisienne, mais elle restera de temps en temps pour ceux qui veulent la faire. Rassure-toi, JM. Ah, ça va alors. Tu la fais déjà 3 heures tous les soirs. De 20h à 23h pendant l'émission. Crois-moi, elle va continuer. Alors ça va. Non les amis, c'est pas ça. C'est pas ça. Tiens, on va demander à Nacho qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va mon Nacho ? Salut Rico, salut tout le monde. Salut Nacho. Salut mon poulet, j'ai envie d'un Nacho. Ah ouais, Nacho pour la 12. Ils vont pas disparaître, j'espère. Ah oui, non, Nacho, il aimerait bien se faire croquer par ça. Ouh, am. Oh wow. Non, oh là. Il est plutôt épicé Nacho. Nacho préfère peut-être le Sylvain Chaud. Non. Non. Bah écoute, je vais te laisser sur Sarah, tu verras. Elle est gourmande. Elle est mère de famille, elle sait faire le tacos. Nacho, à ton avis, à part la télécommande, qu'est-ce qui va disparaître là en 2019 ? Bah moi, ce que j'aimerais bien voir disparaître, en tout cas, ce serait les ex de ma femme. Ah oui, ah bah. Oh, je connais trois mecs de l'Est. Contre un petit chèque. Je rigole, évidemment. Non, mais c'est vrai qu'on aimerait qu'ils puissent disparaître. Les gars, c'est les clés. Les clés, ça y est. Ah, moi, il y aura plus jaloux, quoi. Ah ouais, non, mais Nacho, ça y est, les clés. Les clés vont disparaître petit à petit. Et en fait, ce sera la reconnaissance faciale ou au smartphone, pareil, que les serrures vont se débloquer. Alors, pour le téléviseur, c'est immédiat. Les clés, c'est d'ici deux ans, ça y est, c'est fait. Ah ouais. Mais reconnaissance, les nanas dans le 16e arrondissement, comment vont faire avec tout le botox qu'elles font à chaque fois, elles changent de gueule. Oh non, non. Sarah, n'organise pas le système avec un filtre Snapchat. C'est ça. Vraiment, il va falloir que tu sois au naturel. Hein. Sans maquillage, Sylvain. Non, mais les clés du cœur, je les perds tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oh mais non. Du slip, tu les as bien ouvertes. Hein. Alors, ça, il n'y a pas de clé. Hein. Les gars, vous présentez, c'est open bar. Et passe-partout, comment il va faire d'un fort boyard? Bah écoute. Plus ses clés. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il va débarquer avec le téléphone. En plus, les téléphones sont de plus en plus grands. Ah ouais, bientôt le téléphone sera plus grand que Passepartout. Il va être emmerdé dans le fort. Mais c'est vrai, ils sont de plus en plus grands ces téléphones là. C'est relou, on n'en peut plus. On va retourner aux cabines. Ah bah ouais. Bah écoute, ce serait sympa, Sarah y est souvent dans la cabine. Suis déjà... Ah oui. Bah d'essayage évidemment. Oh, ah oui. Bah, du V aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai arrêté. Non, t'as arrêté ? Oui, j'ai arrêté parce que c'est pas bon pour la peau. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a vieilli. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est ça ? C'est ça. On n'était pas au courant. Nacho, je te fais plein de bisous. On va te faire un cadeau et ça, c'est gagné. Ok, mon Nacho ? Ouais, merci les copains, ça fait plaisir de vous avoir. Continuez comme ça. Ah bah tu repasses quand tu veux, on t'aime très fort. Accroche pas, on va te faire un cadeau. Les amis, on se fait le canular. Allez, on enquille, c'est le canular du jour. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Énergie. Je me fais passer pour un PDG, j'appelle une enseigne de jouets et je demande à ce que le responsable fasse le Père Noël parce que j'ai plus d'oseille. Et oui, en ce moment, avec les gilets jaunes, les enseignes tirent la gueule. Et bien du coup, restriction, c'est toi le responsable en cravate qui va faire le Père Noël. Et ce sera comme ça, moi, grand PDG de l'enseigne. On aura toutes les news. Je sais que Sylvain a une news énorme à nous raconter. Ce sera sur quoi, Sylvain ? Exceptionnel. D'accord. C'est du teasing. Le journaliste est là et croyez-moi, elle est énorme. On aura aussi Zao. 3 minutes et on se fait ce canular exceptionnel. La battle de séduction. Bref, que du kiff sur Énergie.

and I need the touch and something human, human. C'est la soirée. C'est le Rico Show. 20h-23h sur Énergie. Eh oui les amis, on est là jusqu'à 23h. Sylvain le tombeur a une news. A priori, elle est incroyable. On va se la faire dans 5 minutes, vraiment à son niveau, à l'image de sa personnalité. Ce sera sûrement en dessous de la ceinture. On parlera également de l'énigme du soir. DSK lance un club. Oh, mais quel type de club, je vous pose Golf. Oui. C'est pas ça la news de Sylvain. Non, vous allez voir, c'est étonnant. Vraiment, Sarah est là, JM, yes. Vous, hashtag Rico Show sur Énergie. Évidemment, on aura Zao. Bonsoir les amis, on s'écoutera Vita et Slimane d'ailleurs dans la foulée. Et vous le savez, c'est l'heure du canular du jour. Et oui, je me fais passer pour Monsieur Ginesté, qui est un grand PDG. J'appelle des enseignes de jouets, je chope le responsable et je lui dis écoute, il n'y a plus un rond, d'accord ? Non mais c'est galère en ce moment. Alors tu vas m'enlever ta cravate là, tu vas te mettre une barbe de Père Noël et tu vas me faire le Père Noël dans l'enseigne. Oh, fais-moi voir un peu ce que t'as dans le slip. Oh là là. Le gars est prêt à me répondre. Sarah l'a appelé, il lui a dit voilà, 20h22, 20h20, il va t'appeler le Ginesté, il va falloir répondre au garde à vous, c'est le grand patron. Je file tout de suite dans cette enseigne de jouets. Allez. Il m'attend, c'est parti. On va voir s'il a l'étoffe d'un Père Noël. Derrière la nuit de Sylvain. Oh là là. Oui, allô ? Je vous passe monsieur Ginesté, oui, un instant. Pas de soucis, merci. Allô ? Bonjour monsieur Ginesté. Comment allez-vous ? Bah très bien. Ça va, la journée se passe bien, les chiffres sont bons ? Non, pas terrible, non. On va pas s'en sortir, hein, on va pas s'en sortir. Il faut pas perdre le moral, Joy, d'accord ? Non, mais non. Hein ? On avance, on fait un beau magasin, comme ça au moins le client qui rentre, il achète quelque chose. Voilà, donc, c'est important. Du blé, hein ? Oui, en fait déjà de la satisfaction client. J'ai besoin d'un Père Noël, hein, vous l'avez compris, on va faire restriction de budget sur le Père Noël. Ouais. Hein, ça me coûte très très cher cette histoire. Donc je me dis que pour récupérer un petit peu ça, on peut le faire en interne. Alors ce que je préconise, c'est de vous confier les clés de la barbe, comme on dit. Ouais. Hein, et puis que vous soyez ce Père Noël cette année. D'accord. Alors, ce que moi je souhaiterais, c'est que vous puissiez me montrer un petit peu votre attitude de Père Noël. Ouais. Je vais faire l'enfant, allez-y. Bonjour, tu t'appelles comment ? Édouard. Edgar. Tu fais ta lettre au Père Noël ? Oui, mais il m'a pas répondu. Est-ce qu'il fait froid là-haut ? Non, pas pour le Père Noël. Oh, oh, oh. Comment ça va avec la mère Noël ? Bah ça va toujours très bien avec maman Noël. Oh, oh, oh. C'est vrai que tu couches avec maman ? Non, du tout. Oh, oh, oh, oh. Papa, il est parti loin, alors je vais être sûr que tu vas pas dans le lit de maman. Bah non. C'est sûr, Papa Noël. Bah oui. Il paraît que maman, elle aime bien te tirer la barbe, c'est ce qu'a dit Edouard. Mais non, Edouard, il raconte n'importe quoi. C'est sûr. Ah, sûr. Il y a aussi Thierry qui a dit que ton ventre, il dégonflait quand t'avais vu maman. Non. Bravo, Père Noël, bravo. Merci. Bon, impeccable. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? On va faire une annonce spéciale Noël, en avant-première. On y va. Qu'est-ce que vous voulez que j'annonce ? Vous êtes quoi noté ? Ouais, alors je vous écoute. Le Père Noël sera là, exceptionnellement, demain à partir de 10h dans notre magasin. Prévenez tous les enfants. Et là, vous ferez un changement de voix, d'accord ? C'est important, puisque vous allez faire... D'ailleurs, il a tenu à vous laisser un message. Ouais. Et puis là, vous prenez votre voix et vous faites « Allez Rodolphe, oh oh oh, je serai là demain mes petits, oh oh oh !» On y va ? Vous mettez le haut-parleur à côté du micro, vous me faites une belle annonce que je puisse entendre tout ça avec le retour des haut-parleurs du magasin, et on y va. Ok. Le Père Noël sera là exceptionnellement demain à partir de 10h. Allez Rodolphe, oh oh oh, j'ai hâte de vous rencontrer les enfants, oh oh oh, j'aurai la hotte pleine de cadeaux, oh oh oh. C'est bon ? Bravo, bravo vraiment. Je compte sur vous, demain 10h, vous accueillez tous les clients sur le parvis du magasin, déguisés ouais. en Père Noël. Ok, pas de soucis. Merci, bonne soirée, au revoir. Il va être beau demain lui hein. En Père Noël il fera plaisir aux enfants. Mais oui. Voilà, c'est ça la magie de Noël. Demain il va arriver à 10h, il va rien comprendre. Le responsable sera en Père Noël. On embrasse en tout cas, magnifique. Les news arrivent, l'info de Sylvain. Et puis DSK lance un club, il faut que je vous en parle. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Gentil, vos messages sur Snap Rico NRJ et hashtag Rico Show sur NRJ, c'est les news. Et le pire, c'est qu'il y en a une de Sylvain. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur NRJ. Eh oui les amis, avant de vous parler du club de DSK, on vous attend 0800 70 42 48. Et oui, on se demande évidemment quel club. Et puis de parler d'une idée pas si bête que ça pour un restaurant. Sylvain a une news. On vous écoute. Exceptionnel d'ailleurs. Ouais. Ah oui, donc madame, mesdames, enfin messieurs, dames. Ouais. Fini la pilule pour les femmes. Ah oui, ah oui ça j'aime bien. C'est fini. Ah bon. D'accord. Parce qu'en fait, maintenant, ce qui existe, c'est un petit gel pour les hommes, ah oui. comme de la mousse à raser en fait, ouais. qu'on s'applique sur les bouboules. Ouais. Et en fait, ça chauffe au niveau des bourses. Ouais. Et donc là, comment dire, les petits spermatozoïdes, il meurt. Et du coup, t'es stérilisé, quoi. Stérilisé. Ah, moi qui me demandais pourquoi ton ex mettait les sièges chauffants en permanence. J'ai compris, elle voulait surtout pas que tu te reproduises. Quel con, celui-là. Oh, le bonheur. Allez, les amis, les vraies news sont là et on va les faire avec Julie qui a fait le 0870 42 48. Ça va, Juju? Oui, bonsoir à toute l'équipe. Salut, salut Julie, Julie de Nanterre. Alors, ma Juju, je vais te dire, DSK lance un club. Est-ce que tu as une idée, Julie? Oh bah d'échangiste hein. Ah bah oui. Ah ouais. c'est vrai les gars, d'échangiste, Sylvain. Un club de striptease? Ouais, ça pourrait, c'est pas ça. C'est non. Pas ça. Même Julie, c'est pas ça. Sarah. Ben, un club de ménage nu à domicile. Ah oui, d'accord. Avec Nafis Atou en Égérie. Voilà. C'est ouf, JM. Bah je sais pas, un club de cartes pour jouer aux cartes avec ses collègues. Tout ouais. S'est dit. Il a l'âge, ça y est. Les gars, on va se faire un bridge. Eh ouais, mais c'est ça, un club de bolotte. On va se calmer. Attention, pas de Scrabble. Ah non. Ah oui, un alors. Mot en 10 lettres pourrait l'exciter. Non, ça c'est interdit. Les gars, évidemment, DSK lance un club de réflexion politique. Oh, calmez-vous, c'était une vanne, ça glisse. Oh, c'est nul, fallait qu'il sorte sur sa vague. Apparemment, elle voulait s'encarter, ça. Elle a déjà la carte de main, moi. Ah oui, là on le voit. Tiens, l'idée du jour, je voulais vous en parler. Ça vient d'arriver là, ça tombe. Eh oui, un restaurant interdit les portables à table. Alors moi je suis d'accord. Grave. C'est vrai que je vois tous ces restaurants et le pire c'est le nouvel an. Vous êtes tous entre potes et tout le monde prend le téléphone à minuit pour souhaiter le nouvel an aux gars qui n'ont pas fait l'effort d'être là. Ouais. Ah mais c'est horrible. Ouais non mais c'est vrai, mais ça nous coince lors de dates, etc. Comment on fait pour sortir de la détresse dans laquelle on est, s'il te plaît? Mais choisis le mieux avant de ton portable. Mais oui. Okay. Non mais sérieux Julie, tous ces restos, ces couples et tout, même moi des fois je le fais, ouais, je trouve pas ça beau. T'es très téléphone au resto toi Julie quand tu peux y aller hein, aussi parce que c'est pas évident. Oui, bah en fait je me lève le matin, je check tous mes réseaux sociaux, ouais. Toute la journée en fait. Ouais, et effectivement, dans à peu près tout ce que je fais, c'est partagé sur Snap, Instagram, ouais. Facebook. C'est vrai, on vous sert à manger, tu filmes ton assiette, on te sert un dessert, tu filmes l'assiette. Mais non, toi t'es trop pour ça, tous les week-ends on a le droit de photos d'Emeric sur son Instagram. Par contre je suis fâché ça. Pourquoi? Ton nude du jour. je l'ai pas eu, pourtant j'ai tout fait, j'ai été gentil, taki taki, DJ Snake les amis. On va parler du raté du jour, c'est des fiançailles bien parties. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Pude explotar como Nagasaki. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Way. could keep it tight every day. And I know you need a taste. And I, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Or get high in the party. It's a fiesta. Blow out your candles. Have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Eh oui les amis, il y a du très très lourd. On en parle avec Julie qui a fait le 0870 40 48. On se marre bien les amis. Ça va toujours ma Juju? Ça va toujours. Oh, oui. Je la sens dans une bonne forme. Le VTC arrive. Malik va nous faire marrer. Je vous jure, il est plus chelou que jamais. Hommage à Zao qui arrive. Et les amis, on parlait justement du restaurant là qui a interdit les portables. Eh bien, il y a un gars, il n'était pas satisfait de ce qu'il avait mangé au resto, hein, et du coup, il a pas voulu payer l'addition et il est parti aussi avec la table. il était fâché. C'est lui, c'est pas possible. Il paye pas, il part avec la table. Je me disais qu'il y avait une table de plus dans le bureau. Je comprenais pas, c'est vrai, mais c'est toi le radinos. Ah ouais. C'est vrai, quand t'es pas content, t'es pas satisfait, comme ça te donne envie de repartir avec le tout. Mais pas avec la table, tu prends un tupperware et doggy bag. Mais pas la table. Moi, on m'avait tatoué un mauvais tatouage sous le bras. Je vous jure que c'est vrai, c'était mon premier tatouage. Et le mec, c'était même pas un tatoueur. C'est comme le sketch de François Damien. Hein. Il m'avait fait un espèce de tatouage dégueulasse. Hein. Je suis parti avec l'ordinateur du tatoueur. Non. Mais c'est pas une vanne. J'ai sommé de me rembourser. Il voulait pas. J'ai pris l'ordinateur. Je suis barré. Ça s'appelle du vol. Deux jours après, on a fait une rançon. Mais t'es fou. J'avais le bras en vrac. Il m'avait posé le bras sur une poubelle pour me tatouer. Mais non. Je te jure, moi, je débarquais dans ce délire-là. J'avais 18 ans. C'était mon premier tatouage. J'avais mis toutes mes économies. Et le mec, à la place d'un ballon de rugby, m'avait fait une chèvre. C'est vrai, j'étais dégoûté. Je suis parti avec l'ordinateur. Julie, t'es déjà partie avec quelque chose ou tu es normale? Ah oui. Non, je suis à peu près normale, je crois. Disons que j'ai jamais volé ni table, ni d'ordinateur. En plus, j'étais pas contente, ça c'est sûr. Mais je suis pas repartie avec quelque chose, mais j'ai empêché quelque chose. Ah vas-y, superwoman. En fait, j'ai eu un entretien d'embauche. Et je pensais que ma concurrente, on va dire, était peut-être un peu plus adepte pour le poste que moi. Voilà. Et je suis passée avant elle et j'ai dit au recruteur qu'elle s'était confiée à moi dans la salle d'attente et qu'elle avait menti sur son CV. C'est pas vrai. C'est méchant. Du coup, elle est repartie avec ta voiture. Toi, t'es repartie avec le job. Mais c'est horrible ça, c'est horrible. Franchement, t'es méchante là, Julie, c'est quoi ce délire? Et est-ce que t'as eu le poste au moins? Oui. C'est bien, au final ça a marché. Ça fait 3 ans qu'elle bosse, elle est blindée. Non, moi j'avais fait un truc horrible et j'espère qu'il m'écoute pas. Un ex à moi, franchement, il avait grave de l'argent, etc. Et j'ai appris en passant le week-end chez lui qu'il m'avait trompée. Et du coup, j'ai attendu qu'il s'éclipse. Je lui ai tout carotte, c'est-à-dire toute sa bagagerie qu'il avait de marque Louis Vuitton, te jure. Son lecteur DVD portable, c'était la mode à l'époque. Mais dis, fais attention. Et je suis partie, j'ai pris le train, il habite à Saint-Etienne pour monter à Paris. C'est pas vrai. Je te jure, et le mec croit qu'on lui a cambriolé depuis, je lui ai jamais dit que c'était moi. En fait, tu m'as dit que t'allais prendre 2 mois de congé sans sol, c'est que tu vas te faire incarcérer. C'est ça l'histoire, Sylvain. Ah, c'est pour ça qu'elle s'habille en bonhomme hein, tout le temps. Ah oui, pourquoi? Bah parce qu'elle a des fringues de bonhomme à chaque fois, regarde. Ah oui, mais lui, elle a volé que la bagagerie, mais pas l'intérieur du bagage. Ah, tout volé. Ah ouais, merci Sylvain, merci d'être là vraiment. JM. Non, moi, un jour, j'ai volé un truc. J'étais dans une boîte et le serveur, il était bidon, il m'avait fait poireauter, tout ça, tout ça. Et j'ai volé le seau à champagne. Sauf que le videur, il m'a vu, il m'a fait hop, hop, hop, tu vas où? Il m'a attrapé par le col, il m'en a mis une et on est parti. Mais non, mais les gars, il n'y a que des voleurs ici. C'est vrai, c'est horrible. Moi, je n'ai rien volé, je vous le dis. Non, mais c'est vrai, c'est pas une vanne. On va parler justement de fiançailles qui sont parties en couille. Il a perdu la bague. Je vais vous expliquer dans quelles circonstances. Histoire complètement folle. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'écouter ta main de Claudio Capéo. Et Malik est là pour nous parler de son VTC complètement ouf, les amis. On est sur Énergie jusqu'à 23h. Et ce soir, Malik est chelou. Hommage à Zao qu'on va recevoir sur Énergie. Tu coules l'accordéon là. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main. Là jusqu'à 23h et Malik est déjà là pour nous parler de son VTC. Ça va Malikus ? Ça va Rico ? Je sais que tu rends hommage à Zao ce soir. Ah oui. Tu vas nous parler de ton VTC. Reste bien au chaud les amis, le temps pour moi de vous parler du raté du jour. C'est un mec qui perd la bague de fiançailles hein, dans les égouts. Oh là là. C'est pas une vanne, il s'est mis à genoux, il présente la bague, il veut la mettre au doigt de sa chérie et puis pam, il la pomme. Heureusement aux États-Unis ils font toujours les choses différemment de nous. Ouais. Hein, les flics sont allés chercher la bague dans les goûts pour lui rendre et ils ont pu se marier correctement. Bon, en même temps c'est normal, c'est des bagues à je sais pas combien, les bagues de fiançailles. Lui qui voulait pas se marier. C'est une technique. Les policiers l'ont vraiment mis dans la merde. C'est une technique, il s'est dit il reste que ça, j'ai la bague, je la balance dans les égouts comme notre relation. Mais c'est énorme, tu sais que c'est très important la bague de fiançailles. Hein. C'est vrai. Moi je te jure, moi la première fois qu'il m'a tendu la bague de fiançailles, mon mec, ouais. Bah, j'étais déçue. C'est vrai. Et il l'a vu sur mon visage. Bah ouais, parce que faut un gros truc quand même. En même temps, ça fait 2 ans qu'elle a le doigt, tu sais, là où tu mets l'anneau qui est noir. C'est-à-dire qu'il avait offert une broque, je peux te dire le truc, elle a chopé le tétanos avec. Oui, on lui a amputé le doigt. Sarah n'a que 4 doigts, je vous dis. Vous verrez jamais sa main gauche sur les photos. Allez vérifier sur Snap, Rico Energy, vous verrez jamais sa photo. Julie, ça t'est déjà arrivé, toi, comme ça, à rater lorsque t'étais en couple, ma Juju? Bah, j'ai déjà appelé en plein débat mon copain par le prénom de mon ex. Oh là là, ça c'est carton rouge ça. Est-ce que tu pensais vraiment à ton ex ? Non, mais je sais pas, c'est le prénom qui m'est venu comme ça et bon bah du coup bah je vous laisse deviner qu'on a coupé court à l'acte et puis voilà. On sent que ton mec c'est encore le même et qui t'écoute. Et que ça fait des années qu'elle essaye de lui rentrer la douille et là elle s'est dit je passe à la radio, je vais pouvoir me justifier. Voilà. D'ailleurs je te filerai mon RIP Julie. On a mis tout ça en place évidemment pour rassurer son chéri. Non mais si tu tombes sur son deuxième prénom, ouais. T'as de la chance. Ouais. Tu vois par exemple moi j'ai un deuxième prénom, c'est ouais. Joseph, tu vois. Ouais, mais il faut avoir beaucoup de chance. Ah, ouais. Ouais. Excusez-moi, vous êtes avec nous aujourd'hui. Mais quel est les la vie? C'est pas possible. Comment tu veux avoir la chance de dire le deuxième prénom? Bah ça peut arriver, tu crois pas? Ah bah oui, bah oui. Tu gagnes à l'euro million, alors attends. Ah ouais, mais si tu fais ça, c'est que t'es vraiment cocu du coup. Hein. Là vraiment, il faut avoir une chance de cocu. On y est, hein, les deux pieds dedans. Hein. Merci d'être là, Sirki. C'était pas lui le raté du jour. C'est vrai, purée, mais il est exceptionnel. Heureusement qu'il est là. Vraiment, on va faire le VTC là tout de suite. Merci Juju d'être passé en tout cas et on t'embrasse, d'accord? Moi aussi je vous fais des gros bisous.

Michel. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne. Son nouvel album, Tant que rien ne m'arrête, disponible dès le 7 décembre. Donne-moi ta main. Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Eh oui les amis, ça y est, il est dans son VTC, il réceptionne un client, on l'annonce recherché. Ce soir, il est plus chelou que jamais. Hommage à Zao qui va débouler dans le Rico Show d'ici une demi-heure. On va se régaler avec elle, ouais. Ça va être énorme. On se connecte avec Malikus. Ça va Malik ? Allô ? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis loin de la voiture. D'accord. Il est chelou, hein, ce soir. Bah, mais c'est une cliente, apparemment, qui doit arriver, là. J'attends de voir si elle arrive, là. D'accord, bah, écoute, on est avec toi. Bah, on attend qu'elle monte dans la voiture toute seule. J'ai laissé le mot dans la voiture, là. J'ai laissé un micro. D'accord, ok, bah, on écoute. On a le micro-voiture. Ne t'inquiète pas. Ok, on se connaît. Attends, je crois que je la vois arriver. D'accord. Voilà. T'as laissé un petit mot dedans, hein. Ouais, j'ai laissé un petit mot dedans. Quelle surprise. Je crois que c'est elle. Tu rentres dans un VTC, t'as un mot. Ah, t'as pas de chauffeur. Ah, je flippe. Hein? Ouais, Malik. Ouais, je crois que c'est elle. Elle est dedans? Non, elle va ouvrir et partir. Là. Vas-y, ok. Attends, je crois avoir le mot maintenant. Vas-y. Elle est chinoise. Si on a le micro. Elle est mignonne. Ah, j'aime bien. Il arrive à voir ça de loin dans le noir. Hey, c'est un Félix. Non, il y a de la lumière. Attends, j'ai laissé un bon point. On l'appelle l'aigle. Je laisse pas ma voiture comme ça. Bon, elle arrive cette meuf ou quoi, Malik? Je sais pas, moi. Regarde, vas-y, je sais pas, moi. Connecte-toi au micro, je sais pas, fais quelque chose. Ah oui, attends. Il y a quelqu'un. J'entends des bruits. C'est quoi ces bruits? Il y a quelqu'un qui fait l'amour Putain, là, il clôt et c'est le bordel. Je suis dans un VTC, putain, y'a personne, ça m'est arrivé quoi, ça se dégrade. Hein. Ah ouais. Ouais, alors attends, il me dit détendez, il y a un mot, détendez-vous, j'arrive, ça folle pas couille molle. Elle est au téléphone. Non, mais. Quelle journée. Malik, va falloir que tu reprennes ta respiration, je n'en peux plus. Ça buffe terrible, les amis, ce VTC s'annonce bien. On fait l'entrée avec Malik. Malik va la rejoindre, on te suit, on t'écoute, les amis, c'est le VTC de la peur. Ah, c'est énorme en tout cas. Malik. Arrête de buffer comme ça dans le micro, là, j'en peux plus, gros ou quoi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Je te rappelle, ok? Désolé, hein, j'étais à l'épicerie juste en face. J'ai mis un peu de temps. Vous allez bien? Vous avez vu le petit mot? Ça va? Vous avez vu le petit mot? Bah oui, c'est fréquent, même pas de. D'habitude, ça fait plaisir, hein. D'habitude, ça fait plaisir à mes clients, voilà. Non, mais j'ai pas l'habitude, c'est tout, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, d'accord, ok. Il y a une première fois, tout. Malik est plus chelou que jamais, ça va être du très très lourd. Let it, bitches. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. but I'm not like wearing any underwear, so you know. Do I have a shot? Hey, before we get out of here, can you just do me one more favor? Can you later, bitches? Allez, avant d'aider Amélie qui est acheteuse compulsive, elle en peut plus, elle achète tout et n'importe quoi. Eh bien, les amis, on est dans le VTC de la peur. Malik au volant, terreur au tournant. Attachez-vous, danger. C'est le VTC de la peur sur Énergie. Yes, on aura aussi Alex qui est fou amoureux de sa voisine. Il a des soucis puisqu'il est marié en couple et tout. Hein. Et voilà, il est pas bien. On va en parler avec lui. On se connecte avec Malik dans le VTC. On a une cliente qui est montée et qui avait un petit mot d'accueil. Ne t'affole pas, j'arrive couille molle. Voilà. Évidemment, il était dans l'épicerie. Ils ont commencé à discuter. Bonjour, ça va, j'ai entendu là durant le titre, ça discute gentiment. Mais vous allez voir que Malik rapidement va être plus chelou que jamais. Hommage à Zao qui arrive. On se connecte dans le VTC. Dans le commerce, vous travaillez? D'accord, ok. Mais c'est cool, c'est un bon métier. Hein. C'est un très bon métier, le commerce. Hein. Ouais. Oui, c'est quoi comme métier? Il est bête. C'est vrai qu'il parle d'un policier. Des jours avec, des jours sans. Ah bah, des jours avec, des jours sans. Ouais. Bah, c'est comme un peu mon métier à moi. Il y a des jours avec, des jours sans. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, il y a des jours sans clients, des jours avec clients. voilà, on essaye de faire du chiffre. Du blé, du blé, du blé. Comme les commerçants, hein. du blé, allez, hop. Hein, on court après le flouze, hein. Comme on dit en japonais. Ouais. Mais bon. Tenez, vous pouvez passer à boire, mon ami. Ouh là là. À qui? Je suis désolé, je ne vous ai même pas demandé, je suis bête. Ça vous dérange pas qu'il y ait une course partagée? L'ami imaginaire arrive. J'ai payé pour une course seule. Ouais, je sais, mais c'est un ami à moi qui est souvent avec moi et qui fait les tournées, du coup, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire la journée. Et du coup, il m'accompagne dans mes petites courses. Voilà. Hein? Ça vous dérange pas, hein? Tenez, donnez-lui. De toute façon, vous n'avez pas lu. De toute façon, il est déjà là. Hein? Donnez-lui. Non, il est juste à côté de vous. Donnez-lui un peu d'eau, s'il vous plaît, parce que je crois qu'il a soif. Hein? Je crois qu'il a soif, je crois. Il est dans le coffre? Hein? Il est où? Je comprends rien, moi. Il me dit qu'il a soif. Mais il est où? C'est un chat? Un petit chat? Non, mais il est pas dans le coffre, il est à côté de vous, madame. Ça, c'est la meuf de Sylvain. Ma gueule, là. Hein? C'est une grosse journée. Bah oui, moi aussi, j'ai eu une grosse journée avec Kiki, figurez-vous. Hein, parce qu'aujourd'hui, on allait faire une balade au parc. Hein? Hein, Kiki? C'est quoi donc? Ah, je me l'ai prêté, connard! Kiki! Ça y est, il prend possession de Malik. Qu'est-ce que tu vois? Tu commences à me parler correctement? Oh putain! Non! Non! Non, c'est pas bon! Kiki, prends possession de moi! Oh, lâche-moi! Lâche-moi, toi! Non! Non! Je suis bien, je pars! Je sais pas pour dire, mais elle couille sa chaîne, la dame! Oh non! Kiki, s'il te plaît! Il parle comme dans South Park! Oui! Kiki, tu respectes la dame, d'accord? Tu respectes la dame parce qu'elle est très gentille, elle sent bon. Moi, c'est pas toi qui as connu d'elle, connard. Mais c'est Kiki. Alors, vous, c'est tout moyen, hein. C'est un spectacle, hein. Mais madame, c'est pas une question de spectacle. Kiki, s'il te plaît, tu respectes la dame, d'accord, parce qu'elle est très gentille. D'accord. Et elle sent bon, la dame. Voilà. Pas pour toi, c'est devant, connard. Mais Kiki. C'est Jeff Panacloc. Oui. Mais c'est pas possible. Oh là là. Kiki, comment on peut avoir du respect pour une personne comme ça qui est à côté de toi et qui en plus, elle te parle même pas. Oh, Kiki. Elle est bigleuse, cette connasse. Non, Malik, là. Oh non, on se calme. Elle va apprendre vite que Malik est recherché. Pour l'instant, ça la fait rire, mais ça pourrait bien changer, les amis. Énorme. Dites-moi ce que vous pensez de Kiki qui prend possession de Malik. Malik est plus chelou que jamais, les amis. Big Flo et Oli. Et puis on va annoncer qu'il est recherché. Ça y est, c'est l'heure, c'est Énergie. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard. Allez, hommage à Zao qui arrive. Malik est complètement chelou dans son VTC. Imaginez la scène. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Eh oui, les amis, Malik est plus chelou que jamais. Son ami imaginaire Kiki s'empare de lui. Derrière, on aura Amélie qui est une acheteuse compulsive. Elle en peut plus. Et puis, on aura Alex qui est fou amoureux de sa voisine. Problème, il est marié et sa femme, par définition, est le palier d'en face de la voisine. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est compliqué, il a besoin de nous. 0870 42 48. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez venir aider les copains, vous venez. 0870 42 48. Allez, on se connecte dans le VTC de Malik. Kiki est en lui, il est plus chelou que jamais. Bizarre, Zao arrive. Hein. Ah oui. Il a une Kiki en lui. Oui, quand même. Oui, oui. C'est vrai. Petit. C'est vrai. Oui, puisque c'est celui de JM. C'est vrai. On se connecte dans le VTC. Et une chose qui est complètement folle, en fait, c'est que moi, je me suis jamais senti seul. Parce que Kiki, il a toujours été près de moi et en moi. Ah oui, tu me sens là. Ah bah oui. Il dit, il me taquine. Il me taquine, tu me sens. Elle est au spectacle. Moi, j'ai jamais fait d'habitude, mais là, franchement. Ah ouais? Ah ouais, là... hey, elle sait pas que dans un instant, on va allumer la radio pour annoncer Malik recherché. Hein, ça va la détendre. Hein. Allez, on se reconnecte. D'ailleurs, tu peux un peu le voir comme la cliente. Non. Oh, Kiki, oh Kiki. Génial. Ah non, je suis tombée sur un phénomène. Hein. Vous pouvez lui donner un peu d'eau parce qu'il a un peu soif. Du coup, vous l'avez pas donné tout à l'heure. Allez, pour Kiki, un peu d'eau. Ouais, pour Kiki. Allez, c'est pas possible. Elle est maladroite, celle-là, c'est qui cette cruche? Cruche à l'eau. Mais pourquoi tu lui manques de respect comme ça à cette dame? Je sais pas, je la connais pas. Mais Kiki, On a pas assez la Kiki. Bah oui. Hein. Elle y croit pas du tout à Kiki. Hein. Ah, Kiki, tu dis que tu pourrais la connaître, moi. Avec ta gueule. Je crois qu'il est temps que tu fasses sortir Kiki parce que Kiki là. Ah ouais. Comment dire, il est un peu grochon. Non, oui, il est farouche et grochon un peu le soir, tu sais, à 21h. Depuis ce matin, je le balade en voiture. En même temps, Bah oui, c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Ah, ça sent les nausées de Kiki. Hein? Il va vomir, Kiki. Attends, je vomis. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon, Kiki, c'est bon, je sens qu'il sort. Il est sorti, Kiki. Ah, ça fait ça en général. Non! Non, Kiki! Non! Non! Merde! Putain, merde! Quoi? Je crois que j'ai écrasé Kiki! Non! Moi, j'ai écrasé Kiki, madame! Ah bah il est revenu Kiki. Kiki, il aimait bien me parler comme ça. Mais là, regardez les... Mais non, c'est son fantôme. Arrêtez, peur, là. C'est le fantôme de Kiki. Ça y est, en stress. Ouais. Calme-toi Malik, on va la perdre elle, hein, j'ai l'impression. Putain, mais chier, merde, putain. Comment on peut tuer son meilleur ami comme ça? Tu as un pneu avec du vomi. Allez, on va l'annoncer rechercher. Wow. Ça y est, c'est fini les amis. C'est le VTC le plus chelou qu'on ait vu. Hommage à Zao Carré. Allez, on se met Jonas Blue, Liam Payne, et puis on annonce qu'il est recherché. Derrière, on est de Amélie, qui a un souci, elle achète tout et n'importe quoi. Il y aura le dossier tabou, et puis Alex qui est fan de sa voisine. Let me tell you how it happened. I was looking for someone that night. I was never a believer. But you could fall in love at the first sight, but all of a sudden we loved and got lost in the moment. All of a sudden she's gone in the flesh of a lie. I never was looking. I'll be looking for the rest of my life. We took a Polaroid, you signed your name upon it. I put it in my wallet, hoping I'd see your face again. We took a Polaroid, captured the look in your eyes. It's only a matter of time before it starts fading. Was it my imagination? I could have swore I saw someone like you. your name upon it. I put it in my wallet, hoping I see your face again. Le VTC est chaud ce soir. Tremblez, le VTC de la peur est de retour. Et si c'était vous? Franchement, ce VTC là, c'est un des plus chelous de l'histoire, nous dit Amélie. Comment cela va se terminer? Le pauvre, il va en entendre, nous dit Olivia. Et puis Elisabeth dit, il est génial, Malik. On lit tout aussi sur Snap, Rico NRJ, les amis, vous nous ajoutez. Des cadeaux vont tomber d'ici la fin de la soirée, hein, ouais. Je vous le dis. Malik est avec sa cliente, ça y est, on va l'annoncer recherché. Et après, on aidera Amélie et Alexandre, les amis. Il y a Amélie qui a fait le 0870 40 42 48. Ça va, Amélie? Salut Rico, salut toute l'équipe. Salut ma poulette. Amélie, t'as besoin de nous pour quoi? Qu'on puisse justement appeler un petit peu à l'aide au 0870 40 42 48 si vous avez vécu la même situation. Raconte Amélie. Bah en fait, je suis une acheteuse compulsive, j'achète tout mais en quantité puissance 10 alors que j'ai pas forcément le budget pour. Enfin, d'accord. Très bien. Est-ce que tu achètes le Sylvain aussi? Non, ça va. Ça va. J'ai compris. Elle a raccroché. Elle a raccroché. Alex est là aussi. Ça va Alex? Hey, l'équipe, salut Rico, salut l'équipe. Salut Alex. Alex, toi, t'as un souci, raconte-nous en deux mots. Ouais, voilà, le délire, en fait, je suis marié, j'ai trois enfants et je suis amoureux de ma voisine. Oh en fait, j'ai une situation un peu bordel, quoi. D'accord, ok. T'es amoureux depuis combien de temps, Alex, là? Ah, ça va faire, honnêtement, ça va faire un an, là. Et, ouais, plus ça va, plus je m'attache. Et... Ah, mais attends, t'habites à Boulogne? Non, ah mais j'ai un voisin comme ça. Il habite à Cluse, je peux te dire, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la chatte à la voisine. On se connecte dans le VTC où Malik est avec sa cliente, on l'annonce recherchée. Si vous reconnaissez dans une des deux histoires et que vous avez un peu la solution, 0800 70 42 48, l'appel est gratuit et on décroche, venez aider Amélie et Alex. On se connecte avec Malik. Oui, ben, au travail, je comprends, les gens de Dijon, ils font des burn-out. Et ça m'arrive aussi d'en faire et d'être un peu déréglé et de ne pas savoir trop ce que je fais, quoi. Ah, ça y fait peur. Ouais, mais je suis désolé. Non, mais c'est les gens que vous aimez, hein. Enfin, quelqu'un que vous avez perdu, mais c'est pas grave. Mais c'est pourquoi pas vous me parlez de mon Kiki, là? Oula. Ça va aller. Mais madame, déjà, en fait, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites dans ma voiture. C'est juste ça, en fait. Ah non. Ah, il est chelou. Non, parce que j'ai complètement. Je sais vraiment pas ce que je fais là. Pourquoi vous pouvez. Mais je sais pas ce que vous faites dans mon véhicule, en fait. Vous pouvez m'expliquer. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes dans ma voiture, à peu près? Tu vas la perdre. 10 minutes? Ça fait 10 minutes? À peu près, ouais. On a parlé, on a échangé. Vous m'avez raconté un peu votre vie, non? Ça y est, on va annoncer que Malik est recherché et vous venez pour Amélie et Alexandre. Il y aura le dossier tabou, je vous le dis, on va parler du sexe groupé. Oula. Voilà, je vous raconterai un petit peu ça. C'est un dossier très tabou, mais pas si dégueu que ça. Vous allez voir, non, vous allez voir, on va se régaler. Battle de séduction, Sylvain contre moi. Bref, que du kiff sur NRJ. La playlist suprême est de retour sur NRJ pour Noël. 50 000 euros à gagner sur NRJ. La playlist suprême NRJ, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marmik et Smack, 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. On en parle. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats dans plus de 100 spécialités. On en parle avec Alain, dont le fils a rejoint l'armée il y a un an et demi comme pilote de char. Bonjour Alain. Bonjour. Alors quelle a été votre réaction quand votre fils a décidé de rejoindre l'armée de terre? Au début ça surprend. Comme tous les parents, j'avais un peu d'appréhension. Les risques, l'éloignement, les voyages. En fait, j'étais pas très rassuré. Et aujourd'hui, vous avez un autre regard sur son parcours, du coup? Ah bah oui, je suis fier de lui. Il vit une aventure qui lui a permis de mûrir, d'acquérir des compétences et des connaissances. C'est impressionnant. Ouais. Et pour la suite, alors lui, comment il l'envisage? Bah, il a vraiment envie de continuer. Et comme on propose un deuxième contrat à la majorité des militaires du rang, je crois qu'il a toutes ses chances. Et puis, ce qui est rassurant pour les parents, c'est que voilà, il a trouvé sa voie. Et surtout après, il sera accompagné pour un emploi dans le civil. Merci Alain. Et pour les parents qui aimeraient en savoir plus? Bah, comme moi, ils peuvent aller sur le site s'engager.fr. On en parle.

Bruxelles. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Eh oui, c'est maintenant avec Malik. On l'annonce recherché. Ça y est, la cliente n'en peut plus. D'autant que le trajet, elle est terminée. Donc il fait que tourner en rond. Il veut pas la déposer. Et je crois qu'elle est un petit peu vénère de ça. On va se faire la battle de séduction dans 10 minutes. On aura Zao qui arrive. Retour de Sarah Dubled et puis de pas mal de choses, vous allez voir, on va se régaler avec elle. Le dossier tabou aussi arrive dans 20 minutes, on parlera du sexe groupé. Vous allez voir, c'est coquin mais correct. C'est la devise de l'émission, vous déboulez 0870 42 48. Amélie est acheteuse compulsive, Alex est fou amoureux de sa voisine, on en parle. Mais on va révéler à la cliente que Malik est bien chelou puisqu'il est recherché dans toute la France. Ça y est, il a un petit peu essoré la cliente là. On y va, on se connecte. Ben, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois déjà. Ça m'est déjà arrivé de perdre la mémoire à plusieurs reprises. Je ne sais plus pourquoi elle est là. On voulait emmener quand même chez toi. Ben, ça dépend si j'arrive à trouver la route ou pas. Ben, la plupart du temps, Bah après, ils essayent de me comprendre, hein, comme vous, un peu, parce que vous m'avez l'air gentil. Vous tu leur fais de la peine. Mais si je trouve pas la route, c'est pas mon... En même temps, voilà, je suis pas routier, quoi. Pas ça. Est-ce que vous avez consulté quelqu'un spécialiste? Un spécialiste de la route? Non, c'est la tête. Pourquoi la tête? Vous avez des absences comme ça de mémoire. Mais moi, je vous parle de la route. Je vous dis que j'arrive pas à trouver la route des fois. Pourquoi vous me parlez de la tête? Si, avec un peu de musique, je vais m'en souvenir. Bah, si je mets un peu de musique, peut-être je vais m'en souvenir. Malik allume la musique et nous on l'interrompt, soi-disant, hein, parce que justement une dépêche est arrivée, l'annonce recherchée. La réaction de la cliente, c'est maintenant, les amis. Malik, tu peux allumer quand tu veux. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout juste. Obligé d'interrompre la musique sur Énergie, il se passe quelque chose de très grave. Toutes les radios ont reçu la même dépêche. D'ailleurs, Sarah Cadour, notre journaliste, est là. Bonsoir Sarah. Et oui, bonsoir. Alerte, celui que l'on surnomme le kidnappeur fou de l'Ouest parisien serait sur le point de faire une nouvelle victime à bord de sa Citroën noire. L'homme de 27 ans s'appelle Malik et se sert de sa couverture de faux chauffeur VTC pour enlever ses clients. Alors le forcené connu des autorités pour ses troubles est persuadé d'avoir un ami imaginaire qu'il appellerait Kiki et qui l'inciterait à commettre les pires méfaits. L'homme peut se montrer extrêmement dangereux. D'ailleurs, si vous le croisez, contactez les autorités immédiatement. Merci Sarah pour ces informations. On part en musique, on vous tient au courant toute la soirée. On part. Il a coupé la radio, la réaction de la cliente qui pensait Malik chelou, mais en fait c'est un ravisseur présumé. On va la débrancher, on écoute. Il y a des conneries des fois. Ça va bien se passer. Hein? Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Comment alors, ça? Non, mais tout va bien. Tout va bien. Est-ce que. Convainc. Moi aussi, j'ai envie de vomir. Est-ce que ça vous ennuie pas de me laisser là au Porsche? Le Porsche rouge bordeaux là au bout? Elle est maline. Vous voulez vomir? Je me sens pas bien, je vais y aller. Bah attendez, non, attendez, je vais vous donner un sac. Vous allez vomir dans le sac. Non. Madame, j'en ai dans le. Pourquoi vous. Votre vomi est le mien. Madame, j'en ai dans la boîte à gants. Si vous voulez vomir, vomissez dans la boîte à gants. Porte est verrouillée, madame. Oula. Madame, la porte est verrouillée. Elle tout ne va fonctionne passer. Pas. Tout va bien se passer. Oui, bah oui, tout va bien se passer. Comme vous dites. Oula. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula. Arrêtez-vous là. Hein? Tu vas pas me stresser, toi aussi, hein? Ah non, Malik, t'embrouilles pas avec les autres passants, on va être emmerdé là. Tu vas pas me stresser, toi, derrière, hein? Il me colle au falzard depuis tout à l'heure. Il peut me bruit. T'as pas un bruit? Ouais, tout va bien se passer, ouais. Tu vas pas le répéter 600 fois, toi aussi. Oh là là. Ah, j'y crois pas, je m'ai achiré. Oh, oh non. Je m'ai achiré. Je vais vomir dans votre voiture. Madame. Non, oh là là, le sketch. L'exorciste. L'exorciste. Elle est énorme. Eh, la comédie de dingue. Ah ouais. Elle veut s'en sortir, hein. Elle veut s'en sortir. Ouais, mais ça va. Putain, la chelouterie qui a changé de camp. Ah ouais. Elle a pris son cerveau. Madame. Emmerich, tes choses, s'il te plaît. Madame, je travaille à la radio, je travaille sur Énergie. Dis-lui que c'est une vanne. Mais est-ce qu'elle veut vraiment vomir? Madame. Vous voulez vraiment vomir ou pas? Madame, c'est une blague, vous êtes en direct à la radio. Malik est chauffeur VTC, mais il n'est pas recherché, c'est une vanne. Rassurez-vous, tout va bien, on va vous laisser décompresser. C'est une vanne, on va la reprendre, les amis. Et puis, si, comme Amélie, vous êtes un acheteur compulsif, vous venez 0800 70 42 48. Ou si vous avez déjà été amoureux de la voisine. C'est que des emmerdes, les amis. Hein. Ah, là, là. On en parle, 0800 70 42 48. Je décroche. Venez aider Amélie et Alex. Et surtout, la battle de séduction arrive. Ouais. Sylvain, je vais t'affronter. Comme tous les jours, je vais te mettre une branlée. On aura Zao aussi. Bref, que du kiff sur Énergie. Kenji, Thiago. Thiago. Voilà. Au moment, il faut dire deux fois le titre, ça fait sympa. Rico. Voilà. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitanes, on est bon bricoleur. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le dire. Thiago, Thiago. Allez les amis, vous venez. Il s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Eh oui, 0800 70 42 48, on a du pain sur la planche. Amélie est une acheteuse compulsive et Alex est fou amoureux de sa voisine. La battle de séduction et Zao arrive. Malik, ça va avec ta cliente? Ça se passe bien? Ça va, je l'ai rassurée, elle a essuyé ses larmes. Bon. Elle est avec moi. Tout va bien, madame, on va vous offrir une télé. On va vous offrir une télé. Et c'était une vanne. Ça va, madame? Ouais. Oh là. J'ai trop peur. Oh là là. Ouais, c'est Malik, il est plus chelou que... Vous allez voir que même là, dans son état normal, il est chelou. Hein. Ouais. Je pense que vous allez regretter ce moment où il y avait Kiki en lui. Parce que Kiki fait souffler le Malik. C'est ça. On vous embrasse, en tout cas, on vous fait plein de bisous. Raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées pour vous envoyer tout ça. On récupère Amélie. Ça va, Amélie? Oui, ça va et toi, Rico? Écoute, impeccable. Hello. T'achètes tout et n'importe quoi. Ça te coûte du blé, cette affaire, non? On m'en parle pas. Ah ouais, ouais, mais tu dois être sur les rotules en fin de mois. Il doit plus rien avoir quand t'achètes comme ça et que tu peux pas te retenir. C'est ça, exactement. C'est mon banquier qui est pas content. Ah bah tu m'étonnes, c'est la dèche tous les mois dans le rouge là. C'est pas possible. Et là pour Noël, c'est tu te fais tenter encore plus. C'est ça. Bah en fait, j'ai pas réussi à me décider entre un sapin artificiel ou un vrai. Ouais. Du coup, j'ai acheté un artificiel vert, un artificiel blanc. Oh là là. Naturel, tu emmènes dans chaque pièce ou quoi? Elle a le sextoy en sapin aussi. Amélie, mais quand est-ce que vous êtes en achat compulsif, vous? Ah bah moi, dès que j'ai la carte bleue de mon mec, hein. C'est pas assez. Ça va plus vite. Bah oui, attends, j'ai pas dépensé mes propres sous. Quand c'est pas ton pognon, ça va plus vite. Bah oui. Bah non, franchement, c'est pas normal de profiter. profiter de ça. Ça bah si, bah moment, il me l'a pas gentiment, je vais dire non. Mais il te fixe un minimum, un seuil, un montant. Ah non, il me dit 100 euros, je fais 1000. Oh là là, oh non, tout le monde passe. Ça va, on dérape un peu. Oh là là, pour les fêtes. Et derrière, je peux vous dire qu'il a derrière l'oreille. Hein. Franchement, j'ai toujours dit, Mehdi, va sur des sites spécialisés. Moi, c'est malade, ça te coûtera quoi, moins cher. JM. Moi, je suis un acheteur compulsif en vacances. Je sais pas pourquoi. Dès que je vois des trucs, je me dis, allez, souvenir pour le collègue, pour la famille, pour ci, pour là. Et au final, je m'en sors avec des trucs. J'ai un supplément bagage à la fin, t'imagines ? On mange tous des moules dégueulasses, tu sais, en bord de mer. Ben oui, ça va tout le monde. Non, mais pour éviter déjà, Amélie, les achats compulsifs au niveau de la bouffe, faut jamais faire ses courses quand t'as faim. Jamais. Ah quand bah tu fais tes courses quand t'as faim, c'est l'erreur, t'achètes tout. Parce que t'as la dalle, t'achètes toujours 10 fois plus. C'est vrai en plus. Bah c'est vrai. En plus. Ah bah oui, mais c'est comme avec les meufs, faut jamais aller sur Tinder avant de s'être paluché. Parce que des fois, vous avez des mauvaises surprises. Vous ramenez une nana qui n'est pas du tout dans vos critères, et puis une fois qu'elle est devant la porte, vous dégonflez. Ça arrive. Et c'est pareil pour vous, mesdames, hein, quand vous avez un petit peu faim, faites attention à la sélection, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou alors quand on s'embrouille avec son mec, faut faire attention à pas, tu vois. Ouais. Hein, à pas aller rappeler son ex, quoi. Ah ouais, tout de suite. Hein. Il faut bloquer. Hein, il faut bloquer, ouais. Il faut mettre un masque, tu sais, pour pas dévorer le téléphone quand c'est au niveau du visage maintenant. Sinon, pour te calmer quand t'es une acheteuse compulsive, ce que tu fais, c'est que déjà, tu prends la carte à la poste, là, tu sais, où tu peux retirer qu'à la poste. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a toujours un collègue qui a cette carte. Oh. Et après, tu fixes un seuil maximum de 20 euros par semaine. J'ai un ami Sylvain qui n'a pas de carte. Voilà, mais il n'y a pas cher. Amélie, il faut qu'elle vienne faire un stage chez moi, tu vas voir, elle va tout comprendre. Ah oui. Je suis pas acheteur compulsif, je suis économe compulsif. Mais du coup, tu vas avoir des convulsions. Tu vas voir Amélie. Non, mais Amélie, c'est ton délire le tombeur ou pas? Non, mais au pire, je peux venir avec un sapin chez lui. Hein. Ah. Ça va sentir le sapin, d'accord. Oh non. Il a déjà les décos. Il va te servir pour te protéger, le sapin. Tu vas voir, viens vraiment avec. Non, mais c'est ouf. Et est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un de radin parce que tu dépenses que tes sous ou les sous des autres? Ah non, par contre, je dépense que les miens. Enfin, je dépense pas ceux des autres. Ça va. T'es pas. Je me t'es pas... déjà moi dans la merde, je vais pas non plus mettre ma famille. Ce serait bien que certains t'entendent, n'est-ce pas, Sarah? Oui, le message est passé, ne t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention avec ces achats. Et puis maintenant, tout pousse à la consommation. Ouais, et tu sais que ma mère, elle s'est surendettée parce qu'à l'époque, elle faisait des trucs au Fidis et tout. Ouais, tellement elle était acheteuse compulsive. C'est vrai? Je te jure. Ah ouais, à Lidl, elle faisait des razzias, elle avait fait un crédit à la consommation. Ah ouais? Je t'assure. C'est alors qu'un bon lifting, ça. Hey, tu parles comment de ma mère, toi? Je rigole, Sarah. Ah, il faut ça chez Lidl. Ah, je sais pas. Alors que j'avais gardé ses sous pour se retendre. Mais t'es horrible, le mec a dit que tout à l'heure sa maman avait un cul plat, t'as dit. Non, j'ai pas dit ça. Menteur. Non, j'ai pas dit ça du tout. Tu m'as dit que moi j'avais un cul plat et que ça te faisait penser à celui de ta mère. T'insinues que moi je vais mettre le cul de ma mère. Oui. Ça, c'est vos affaires. Hein. Cette émission devient dégueulasse. On va voir Alex, les amis, qui est fou amoureux de sa voisine. Et on va voir. On va voir parce que la voisine, c'est toujours un traquenard. Ah. Ou le voisin. D'ailleurs, les amis, vous venez 0870 42 48. Amélie, je te fais un cadeau, ça tu l'auras pas volé ni payé. Merci Nico, gros bisous. Bisous Amélie, et puis calme-toi sur les achats, les amis. Allez, on se met Dadju, jaloux sur Énergie. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme femme y'a peu d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux. Je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. Je suis jaloux, ouh. Même si j'ai confiance en toi. Les copains, on vous attend. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, le dossier tabou arrive, on parlera de sexe groupé. Alors je vous expliquerai, on a tous un petit peu des fois fait l'amour à côté d'autres personnes. Ah, voilà, oui. C'était pas prévu au départ et puis bim bam, ça dérape et cette tendance serait de plus en plus présente. C'est-à-dire quand on a vraiment envie de faire l'amour avec le copain d'or à côté, que vous êtes avec votre meuf, des fois bah on y va. Bah ah, voilà, oui, on y va. Ah, ça dérape, bim bim, ça dérape, ça dérouille. Oula. On en parle les amis, on aura aussi la battle de séduction dans 4 minutes. Je sais que vous kiffez ce délire, Sylvain contre moi, un profil identique, Enzo, on est sur un pied d'égalité et on drague, on voit qui est le meilleur. Bon Sylvain, est-ce que t'es chaud ce soir? Ah bah comme d'habitude, hein, chaud bouillant. Chaud bouillant, ouais. Chaud bouillant, je l'ai touché, je me suis brûlé. Je vous le dis, j'ai de la biafine plein la main, ouais. Je n'en peux plus et j'ai pas encore touché le caleçon. Les gars, désinfecte-toi. Ouais bah ça y est, hein, j'ai touché JM. Ah merci. Il est propre, lui, n'est-ce pas ça? Alexandre a fait le 0800 70 42 48, il a un problème, alerte au voisinage. Vous allez me dire quand est-ce que le voisinage peut poser problème, c'est un petit peu l'idée. Ah oui. Alex, alerte à la voisine. Yeah. Ah là là, t'es où là Alex, t'es chez toi là? Ou chez la voisine? Non, je suis au travail là. Ah d'accord, d'accord. Alex de Cluse, 40 ans. Alors qu'est-ce qui se passe Alex, ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf? En fait, ça fait 14 ans que je suis avec ma femme, ouais. Je suis marié. D'accord. Et j'ai 3 enfants. Et le problème, c'est que ouais, j'ai rencontré ma voisine qui a emménagé il y a un an maintenant. Oh là là. Et il y a eu des regards complices, il y a eu pas mal de trucs, tu vois. C'est dur. Et c'est dur. Ouais. Bah, c'est dur parce que ta femme, elle est là, tout se passe bien, son couple roule. Et puis un jour, il y a une connasse qui vient habiter en face et qui te plombe l'histoire. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué et quand il y a les. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est vrai que. Ouais, et du coup, t'es pas bien, mais. Elle est amoureuse de toi ou pas? Bah ouais, il y a des petits regards complices. Après, c'est amoureuse de moi, j'en sais pas. Je me fais comprendre qu'il y a quelque chose quand même derrière. Quoi. Ah, en plus, toi, t'es dans ton délire. C'est-à-dire que en gros, voilà. T'es chaud sur elle, tu interprètes pas, un truc, tu vas au courrier, elle te voit, elle te fait un demi-sourire parce qu'elle est Sephore. Elle est obligée, vous êtes tous les deux dans le hall d'entrée, elle te fait un sourire et toi, t'es là, t'es en demi-molle. Tu montes à la baraque, t'as envie d'envoyer valdinguer tes 3 gosses et ta femme. Alex, tu vas redescendre, tu vas prendre une douche froide, tu vas mettre des glaçons dans ton slip et tu vas pas me péter ton histoire. Non, mais c'est vrai. C'est pas comme si la dana elle avait décidé de te choper. C'est pas comme si tu l'avais attrapé dans un placard. Non mais c'est vrai, tu vas me foutre en l'air. 14 ans de relation pour une voisine qui te sourit. Non mais ça c'est plus possible. Alerte au voisinage les amis, je lance un alerte au voisinage. Ah là là. Faut venir nous dire quand est-ce que le voisinage est dangereux. Les amis. Non mais quand le voisin est frais, quand il est beau gosse au possible, ouais. Là c'est un petit peu dangereux. Ah, t'as là t'es chez toi tout seul, t'as envie de lui demander du lait quoi. Ah ouais. Drink wrong, j'ai plus de lait. Et puis je peux te dire que le lait il est dans les mamelles. Fais-toi plaisir, viens tirer. Non mais en parlant de ça, ma voisine elle était tellement jolie, ouais. Que moi en fait la chambre je l'ai transformée en salon. salon. C'est-à-dire que la chambre où j'étais, je l'ai mis dans le salon. Et le salon, elle s'est devenue ma chambre. C'est pas comme vrai. Ça, j'avais directement une visu sur elle. Oh putain, il a acheté, tu sais, il a acheté un vieux télescope de Montmartre où tu mettais un euro pour voir, tu sais, les étoiles et le Sacré-Cœur. Ah bah lui, le gars, il a ça dans son salon, il mate la voisine. Je peux te dire, il est là, il a toujours l'œil fourré. Des fois, je vois, il a qu'un œil, tu sais, il a la trace du rond sur l'œil, un peu comme l'oreille. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, il a mis l'œil dans le télescope toute la soirée. Il a maté la voisine. Et quand il la voit pas, il prend un stéthoscope comme les docteurs, tu sais, il écoute et il entend sur le mur. C'est vrai. D'ailleurs, on sera tous là pour ton tribunal, Sylvain. Et pour dire qu'effectivement, t'es normal. Offenbach, et puis on aide Alexandre. Alex, marié depuis 14 ans, en couple, 3 enfants, et t'en kiffes sur elle. Et ça va pas du tout, il veut tout plaquer. Le Rico Show débarque. De 20h à 23h. Sur Énergie. Avant de se faire la battle de séduction, dans une minute, moi Alex, tu te fais défoncer sur Rico Énergie, hein, je te le dis. Voilà. Sur le Snap, on dit quand t'es marié, c'est que t'as choisi ta femme. Si t'es sur la voisine, c'est que tu l'aimes pas. Voilà, il doit pas gâcher son couple, nous dit Sissi 97431. Pour une voisine, il doit penser à sa famille. Vraiment, voilà, il y a beaucoup de messages, je t'ai fait défoncer. Hein. Notamment, les nanas sont là, en tête de gondole. c'est le kiff. Hein. Non, mais ce qui est bien, ça lui coûtait pas cher le déménagement. Ah ouais, bah écoute. C'est bon, hein. Là c'est facile, hein. Tu fais les cartons, il n'y a pas besoin d'une grande échelle, hein. En plus elle habite un étage en dessous ou au-dessus, Alex? En dessous. Ah bah nickel, ça descend. Hey, bah, le frigo vaut mieux le descendre que le monter. Alex, arrête-moi ça. En plus elle t'a fait que des sourires. Tu m'arrêtes ça de suite. Bah, oui. De suite, moi Alex. Non mais sans décoller, tu peux plus. Il faut que t'arrêtes là. Sérieux. C'est de la courtoisie, elle kiffe pas, hein. Bah, ouais. C'est de la courtoisie. Non mais est-ce que t'as senti au moins qu'il y avait un dos? Est-ce qu'elle t'a fait allumer la mèche? C'est la mèche. Honnêtement, ouais. Ouais, c'est vrai. Pourquoi elle t'a dit bonjour? Ça a commencé par un bonjour, ça a commencé par des regards, ça a commencé par. Voilà quoi. Elle doit adorer quand elle te voit arriver avec tes trois gosses, elle doit se dire je vais me mettre dans ce traquenard. Vraiment, je vais y aller. En plus, la daronne habitera au-dessus. On va se faire une guerre internationale. Je fonds. Mais oh mais la touche, je l'aime, Alexandre. Non, mais c'est Alexandre, arrête tes conneries. Ouais, Alex, excuse-moi, mais attends, c'est pas parce que t'as sorti deux fois les poubelles en même temps qu'elle, que tu l'as croisée avec la poubelle jaune et la poubelle bleue, que c'est fini, poteau. T'as une femme, t'as des enfants. À un moment donné, c'est bon, c'est pas grave. Tu croises des voisines, c'est bon. Alex, me gâche pas tout pour ça, sérieux, non, poulet. Surtout pas. Alex. Ou sinon, tu te casses de l'appart, hein. Tu vas ailleurs, tu déménages. Oula, attention, on a la solution. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il prend sa famille et il se barre à je sais pas où, à 200 bornes de là. Ah oui, c'est vrai, ça c'est pas con. Ça c'est pas con, Alex. Pourquoi tu déménages pas? Mute-toi, fais quelque chose. Oui, non, mais franchement, Alex. Ah non, me déménager, non, c'est pas possible. Je suis là où je suis et ouais. Ouais, d'accord. Il cherche les problèmes, quoi. Et puis attention, hein, s'il arrive que la concierge lui sourit, il pourrait finir avec elle. Ah oui, en sortant les poubelles, elle m'a kiffé. Ah, bah ouais. Ah, je l'ai vu. Il n'y a pas la maîtresse d'école aussi lors de la réunion par un prof qui t'a fait le sourire. Non, Alex, moi je sais, en ce moment, t'as le feu un petit peu au caleçon. Tu vas redescendre parce qu'on t'aime, parce que t'es la famille du Rico Show. Tu nous appelles et c'est pour ça que tu nous appelles, c'est pour qu'on te remonte les bretelles. Tu me fais attention, moi, Alex, ok? Franchement. Fais attention, tu nous tiens au courant, d'accord, avec la voisine? Ouais, ça marche pas de soucis. Eh, hey, fais attention, mon Alex, on t'aime. Ah, sinon, il accroche la photo de sa voisine dans le dos de sa femme, quoi. D'accord. Quand tu fais un petit câlin. Oh là là. Oui, comme ça, tu sauras au moins si t'aimes lui faire l'amour à la voisine. Il est horrible, celui-là. Alex, n'écoute rien de Sylvain. On t'aime, moi, Alex. On va te faire un petit cadeau. On se fait la battle de séduction? Yes. Les amis, c'est un bonheur, vous l'adorez. Et puis, Zao arrive, on y va. Mesdames, planquez-vous face à face. Sylvain le lourdeau. Un petit dîner en chandelle, toi et moi, autour d'une petite plâtrée de tagliatelle saumon. Face à Rico, le gospo. On ira là où le vent nous mène. Où ça? Vas-y. Vers un petit moment sympa entre nous. C'est la battle de séduction sur Énergie. Eh oui les amis, c'est chaud ce soir. Sylvain a remporté une fois l'histoire de la battle de séduction. Dites-moi qui va l'emporter. Hashtag Rico Show sur Énergie, Rico Énergie sur Snap. Sarah, tu as un profil, c'est Enzo. Il est sur les sites de rencontres, il est beau gosse. Il est beau gosse de dingue, il est coiffeur, il a de l'argent, il a tout le mec. Il est pas nous. Il est pas nous. Il drague et on a des figures de style imposées ce soir, Sarah. Hein. Ah c'est ça. Alors déjà, est-ce que vous maîtrisez l'accent belge ou québécois? Ouais, ça va le faire. Ouais, ça va le c'est-à-dire faire. Quand on parle à la meuf en séduction au téléphone, il va falloir. Alors une fois, je vais te bouffer une fois. Ouais, c'est ça. Il va falloir le faire 3 fois 5 secondes en rechute. Voilà. Alors t'habites où une fois que je vais te bouffer une... D'accord, ok, il va falloir. Ça, un petit rire Claude Alexo, moi j'aimerais bien. Ce serait pas mal. Et petite intervention surprise de ma part, vous allez voir. Vous en dis pas plus. La surprise. Hein, la mauvaise surprise. Évidemment. Il y a de la meuf, on va draguer. Qui est le plus performant en séduction? On va le savoir. Sylvain, est-ce que t'es chaud pour démarrer? Ah, je suis chaud. On va appeler qui ça? Alors, on appelle Sonia. Très bien, on appelle Sonia dans 2 minutes. On se fait la petite pause là, c'est très rapide. 1h58, on est là, Sylvain drague. Et puis, on a Zao qui arrive. Le docteur Jacob Jolidge, un chercheur de neurosciences cognitives, a mis une formule qui évalue la capacité d'une chanson à nous rendre heureux. D'accord. Bon, je vous l'ai fait écouter. Oui, vas-y. Ça, tu mets ça quand tu cours plus vite. Ah, tu sais quoi, c'est vrai. Tu sais quoi, dans ta pite, t'en peux plus. Les 3 dernières minutes, tu sens que tu vas pas les passer, tu mets ça avec tes Rocky. Tu te taperais dans un jambon qui pend. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Découvrez Oh My Mag, le nouveau magazine féminin pour se faire plaisir. Beauté, déco, food, sortie. Retrouvez les meilleurs do-it-yourself, nos recettes du réveillon et les dernières tendances beauté. En cadeau dans ce numéro, un poster à colorier, 12 stickers de Noël et nos cartes astro illustrées. Oh My Mag, le magazine pour s'ouvrir aux autres, rêver et partager. Actuellement chez votre marchand de journaux et sur prismashop.fr. Bonjour, c'est Pascal Obispo. Je suis le parrain du Téléthon 2018. Les 7 et 8 décembre, nous avons 48 heures pour accélérer les projets des chercheurs. Grâce à votre soutien, nous avons déjà vaincu des maladies génétiques, mais d'autres restent à vaincre. Les enfants et les familles comptent sur nous, rejoignez-nous. Faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr, c'est tellement important. Gagnez sur Énergie 3 minutes pour tout choper dans un magasin but. Écoutez Coé de 17h à 20h sur Énergie. Salut, c'est Coé. Foncez dans un magasin but avec votre famille. Prenez-vous en photo avec un accessoire de Noël et envoyez-la à coé@energie.com. Si je vous choisis, je vous offre 3 minutes pour choper tout ce que vous voulez sans rien payer dans un magasin but. Énergie, it's music only. Gérard, pour Fabienne. Ouais, Gérard. Dis-moi, il y a beaucoup de monde à l'entrée, là, ça commence à pousser, tu sais ce qui se passe? Ouais, en fait, c'est encore un coup de free. La 4G est désormais illimitée, avec le forfait à 15,99€ par mois. Puis le reste est toujours illimité aussi, appels, SMS, MMS, un forfait illimité, en fait. Ok, merci Fabienne. Bon, tu retardes l'ouverture, s'il te plaît, je vais me prendre un forfait. Ok. Terminé. Non, pas terminé. Merci Free. J'ai terminé. Offre soumise à condition réservée aux abonnés Freebox avec mobile 4G en France métropolitaine. Hors numéro surtaxé, plus d'infos sur mobile.free.fr. Dis donc, gérer son argent, c'est pas si simple. Comment tu fais, toi ? Moi, je m'informe pour comprendre. Je lis Le Revenu tous les vendredis et je suis toute l'actualité sur leur nouveau site, lerevenu.com. Mais pourquoi ? Bah parce que les conseils bourse et les placements du revenu sont vraiment indépendants, plein de bon sens et très efficaces. Avec Le Revenu, j'ai confiance et je peux gagner de l'argent. Le Revenu, partenaire conseil pour réussir vos placements. Nouveau cycle, Chérie 25. Chaque jeudi, Chérie 25 met à l'honneur Cameron Diaz. Une icône glamour et populaire. Une femme merveilleuse. Pétillante et attachante. J'avais pas envie d'être seule hier soir. L'actrice est la star des comédies américaines. Un vrai rayon de soleil pour vos soirées d'automne. Chaque jeudi, Chérie 25 vous fait découvrir ses multiples talents. Jeudi, Inner Shoes, à 20h55 sur Chérie 25. Chérie 25, tous les soirs un film. Mesdames, planquez-vous face à face. Sylvain le lourdeau. Un petit dîner en chandelle, toi et moi, autour d'une petite tâterie de tagliatelle saumon. Face à Rico, le gospo. On ira là où le vent nous mène. Où ça ? Vas-y. Vers un petit moment sympa entre nous. C'est la battle de séduction sur Énergie. Eh oui les amis, avant de recevoir Zao, on s'affronte, il y aura le dossier tabou, le sexe groupé. Les amis, vous êtes de plus en plus eh bien, à faire l'amour à côté d'autres personnes. Ça vous dérange pas, vous êtes là, vous avez envie, pim pam pim, vous vous assemblez. Si c'est le cas, on prépare ça tout de suite, 0800 70 42 48. On vous attend, les copains. Vous déboulez dans le Rico Show. Sarah, c'est parti, battle de séduction. Sylvain contre moi, tu t'appelles Enzo. Ouais. D'accord, t'es coiffeur Barbie. C'est le même gars, il est hyper beau gosse. Et on va chez qui, Sarah ? Alors, on va chez Sonia. Et j'aimerais juste rajouter, moi, j'aimerais bien que vous fassiez le cochon aussi. D'accord. Oh, oh. Cochon, perroquet, accent, et peut-être j'interviens. D'accord, d'accord. L'accent belge, d'accord. Il faut faire des doses, quoi. Hein. Merci, voilà. Sarah, elle a tout rajouté. Ouais. D'accord, d'accord. J'adore. On y va. Vous allez voir, il y a des difficultés et il faut évidemment amener ces difficultés lorsqu'on drague. On va chez qui ça ? Chez Sonia. C'est parti, on va chez Sonia. C'est parti, tu peux dire bonjour. On est en espèce de conférence. Ouais. Hein, parce que ça les sonne. Nanas ne répondent pas quand c'est en appel normal. Tu dis quand ça décroche, ça, ça sonne ? Ouais, ouais, ça sonne. Deuxième sonnerie. Ce qu'on appelle masqué, elle décroche elle pas avec désirer. Le standard. Elle se fait désirer. Sonia ? Ouais. Ouais, c'est Enzo à l'appareil, comment tu vas ? Ouais, toi ? Bah écoute, en pleine forme. Hein. Alors ? Ça se passe ? Hein ? Ouais. Là, je viens d'atterrir, là. Ah, je suis un peu fatigué, laisse tomber, là. Là, okay. Là on a fait un truc en Espagne, là, ça cartonne, là. Les coupes Père Noël. Tu connais les coupes Père Noël ? On fait la barbe de Père Noël, en fait. Ah, ils adorent ça, ça cartonne. Ah, bah, je peux te le dire, quoi. Je peux te dire que ça cartonne de ouf, hein. Ma gueule, là. Non, jamais. Pourquoi ? Jamais. Non, je sais pas. Je te sens fatigué, toi. Oh là, t'as pas la pêche, hein ? Non, je te dis, je me suis fait enlever une dent hier. Donc... Tu t'es fait. Quoi ? Un chicot ? Oh non ! Où ça ? Où ça ? À quel endroit ? Derrière une molaire. Ah là là, oh la molaire. Oh là là, celle-là, elle fait mal. Oh là là, là. Moi, je me suis enlevé. Ah ouais, non, mais je la connais, la molaire. Ah, la molaire. Parce que je peux te dire qu'en ce moment-là, j'ai tu sais, les dents de chaise qui poussent, là. Ah, c'est... Ouais. C'est une galère. T'as déjà eu ça ? Bah, je me suis déjà fait enlever quand j'avais 16 ans. Ah ouais. Oh là, je te sens fatigué. Ouf ! Je te dérange ou quoi ? Non, je suis pas fatiguée, mais j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Donc, je sais pas. Bah non, je me fous pas de ta gueule. Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'entends faire du bruit. Je bois. Ah, d'accord. Tu bois quoi ? Glou, glou, glou, glou, glou. Ah, attention. Hein. Eh, j'espère que c'est pas de l'alcool. Hein. Ah, rigole un petit peu. Allez ! Oh là là ! Ah, t'as un gilet jaune, toi, ou quoi ? Alors, c'est un échec accusant. T'es mauvais, mon frère. Ah, ouais, oh, là, là, qu'est-ce que t'es nul, là ? Bah, t'as eu la lourdeur. Je sais pas ce qu'elle a, elle. Tu veux que je te montre ? Oh. Allez, je te montre, allez, c'est pour toi. Allez, shotgun, George Ezra, et je vais te montrer qui est le boss de la séduction un peu là. T'as tes ringards ! Mais t'es mauvais ! Mais t'es mauvais ! T'es dégueulasse. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time

quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les coins sont trop pleurés. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. C'est le dossier tabou. Personne n'en parle. Sauf eux. C'est le dossier tabou dans le Rico Show. Sur Énergie. Eh oui les amis, il est très très chaud puisqu'on parle du sexe en groupe. Eh oui, vous êtes de plus en plus à faire l'amour alors qu'il y a du monde autour de vous, ça vous gêne plus. Ça vous gêne plus. Vous êtes dans une auberge de jeunesse, vous êtes en groupe, vous êtes en soirée, pim pam poum, ça tombe et des fois vous vous joignez même au mouvement. Hein. C'est un mouvement, c'est quelle couleur de gilet ça? Ben, c'est le gilet rose. Bravo mon tombeur. Putain, je suis connecté avec toi, c'est fort ça. Inquiétant. Là, c'est le gilet inquiétant. C'est un gilet noir. Avec une croix derrière. Inquiétant. Zao arrive. Elle est là dans moins de 10 minutes. On va kiffer avec elle. Je ne pourrais te dire. Ce n'est jamais de ta faute. On va kiffer. Retour de Sarah Dublet. Que des délires. Et comme d'habitude, Emric a gagné. On nous dit hashtag Ricocho sur Énergie. La question ne se pose même pas. N'hésitez pas à voter. Hein, 0870 70 42 48. Vous nous dites qui l'a emporté. Je vous donnerai les résultats des votes. Et aussi sur Snapchat. Hein, R-I-C-O NRJ. Tiens, les amis, l'amour groupé, ça te parle, ça hein? Totalement. Toi, apparemment, c'est dégroupé. Non, moi, la seule fois où je l'ai fait grouper, c'était quand j'étais enceinte. D'accord. Il y avait mon fils, mon mec et moi. Oh non, c'est dégueulasse. Non, et apparemment, le petit toucher la flûte. Oh. À un moment donné, avec le casque, il a tapé dedans. Il a la bosse des mains d'ailleurs. Ah ouais, je peux dire, il a soufflé du nez. Hein. Mais c'est horrible. Non, mais par contre, blague à part, une amie à moi qui s'appelle Katia, je balance son blaze. On était à Barcelone en coloc, tu sais, en vacances. Ouais. Et un soir, elle est rentrée avec un cum, moi je dormais, et normal, à la ken, bah, dans le même lit et tout. C'est quoi. Pas vrai. Je te jure, j'étais trop gênée, j'osais pas bouger. Bah, ah ouais, c'est horrible. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je sais que t'es un pro, toi. Ah bah écoute, faut se joindre au mouvement. Ouais, super. Joignez-vous, Sylvain. Non, prendre des notes, hein. Ah ouais, ouais bah oui. Tu prends un papier, un crayon et tu prends des notes. C'est vrai. Tu regardes un peu ce qu'elle fait. Bah ah oui, tu dessines. Ah non, ouais, ouais. Et quand t'en as marre, quand t'as cassé la mine, tu sors la gomme. T'as cassé l'intérieur, en général. Tiens, il y a Jonathan qui a fait le 0870 42 48. Ça va, John? Ouais, salut Rico, salut l'équipe, ça va? Ça va, mon poulet. Alors, raconte-nous un petit peu, John, toi, un pote est venu dormir à la maison, ça a dérapé, ça s'est fait en groupe. Raconte. Eh ben en fait c'est plus con que ça, c'est-à-dire qu'en fait on avait un petit appartement donc il dormait dans le canapé et nous dans le pieu, et normalement avec ma copine de l'époque on faisait l'amour au moins 2-3 fois par jour. Ouais. Et en fait ça fait 2 jours qu'on n'avait pas pu faire, et puis ben un soir on s'est dit tant pis, on va attendre qu'il dorme, et puis ben voilà. Ça a dégoupillé. Et donc en fait le lendemain, ouais, on fait l'amour, et puis le lendemain on se réveille, puis notre pote il se lève, puis il a un grand sourire d'enculé. Et ben en fait cette nuit ben je dormais pas. Oh, j'ai tout entendu et j'ai tout vu. Ah c'est horrible, mais tu sais, j'ai une info là, sondage IFOP qui est sorti, il y a un homme sur 10 seulement qui déclare avoir déjà franchi le pas à plusieurs. Ah ouais. Par contre les femmes vous êtes 3 sur 10. C'est-à-dire que vous êtes plus de femmes à déclarer avoir franchi le papa. Ouais, mais nous on est des mythos. C'est peut-être ça, c'est pas con. Tiens, dites-nous, 0870 42 48. Moi j'avais un pote pareil comme toi, John. Voilà, puisque j'habitais dans un petit appartement. Et des fois, voilà, avec la colocation, t'as envie, etc. Bah oui. Et il m'a toujours fait croire qu'il avait le sommeil lourd, tu vois. Oh, je suis irréveillable. Et en fait, il avait une astuce en plus terrible. C'est que vous savez, dans les chargeurs, il y a une petite poupiote qui brille. Ouais. Eh bien, lui, en fait, il se mettait dos à nous, et avec son chargeur ça faisait des ombres chinoises. Ah, et lui il se tournait côté mur et puis il matait comme un petit pervers. Non. Et il se faisait un film à l'ancienne avec les ombres, donc en fait t'as l'impression qu'il est dos à toi, donc tu dis putain il est de dos, il ronfle, il verra rien. Et en fait avec la petite loupiote, on l'avait pas calculé, mais c'est un peu comme quand t'amuses à faire le loup avec tes mains, à faire des trucs avec les lumières, tu joues avec les ombres. Et bien lui il se matait son petit film. Ah ouais, je vous le dis, j'ai découvert, parce qu'à un moment on voyait plus les ombres. Il avait refait le mur était tout blanc. J'ai dit, il y a un souci, toi tu dois te faire plaisir. T'as passé un coup de rouleau après. Ben écoute, c'était pas de la peinture à l'eau. Allez, gam sur LRJ, on en parle.

Fais gaffe, ça va finir faute cette histoire. Ah oui, ça va finir double faute. Dans le filet. Ouais. Bon, en tout cas, on va embrasser celle qui monte à la volée, Fanny. Ah ouais, ouais. Bisous. Bisous, Fanny. Et doucement sur le smash. Hein. Ouais. On t'embrasse. On t'embrasse, ma Fanny d'amour. Merci d'être passé, les amis, et de vous confier comme ça. C'était une étude qui est parue aujourd'hui, tiens, concernant cet amour groupé. Et je suis content parce qu'on l'a dit, on a été coquin mais correct. C'est vrai. Plein de métaphores. J'ai l'impression de sortir de Roland Garros. Ah ouais. Mais il n'y a pas eu de sujet graveleux. Ouais. Et ça, je peux vous dire bravo. Je salue Nadal. Merci. Salut Roger Federer. En fond de cours. Merci. Et puis je salue André Agassi. Merci. Alias JM. Les amis, elle est là. Ça y est. Zao. Les amis, elle sera là. Pour moi, c'est franchement, c'est une des plus grandes artistes françaises qu'on ait. Carrément. Je lui dis, tu dis Zao, tout le monde connaît. Ah oui, Zao. C'est fort. Tu dis Sarah, personne ne connaît. Tout le Kremlin Bicêtre. Tout le Kremlin Bicêtre. Tout la MJC. Les amis, on est ravis de la recevoir. On va se faire plein de délires avec elle. Franchement, c'est un kiff de l'avoir avec nous. Là. Restez bien avec nous. Il va y avoir Sarah Dubled. Il va y avoir des jeux de ouf. Ces chansons, franchement, elles inspirent tout le monde. Voilà, moi, ça m'a inspiré plein de sujets. Ouais. Croyez-moi, il y a du très très lourd. Et puis, comme elle a fait chelou. On va venir avec des situations et elle nous dira si on est chelou ou pas. D'accord. 0870 42 48 et on retrouve Zao qu'on kiffe les habits dans 2 minutes. Le temps de descendre en bas, on descend dans le studio public, on sera en Facebook Live. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonjour Julie. Bonjour Manu. Quel est ton complexe? Moi je mesure 1m80, je suis la même taille que mon mec, du coup je mets jamais de talons, voilà, c'est pas évident. Excuse-moi, mais il y a quand même beaucoup d'avantages à être grand, ne serait-ce que des transports en commun. Tu prends le bus de temps en temps, Julie? Oui, ça m'arrive, ouais. Avoue que tu respires mieux que le mec en dessous. Paulette. Au supermarché, tu peux attraper tout ce que tu veux. Voilà. Facile. Et en plus, au supermarché, si jamais tu mets des talons, tu peux même changer les ampoules tout en haut. Donc, tu vois. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h, 9h30 sur Énergie. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est Manu dans le 6-9, soyez les bienvenus. On va bien démarrer la journée. La semaine prochaine, écoutez Manu dans le 6-9 dès 6h sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offriront. Oh là là là là! 10 000 euros de cadeaux par jour à gagner la semaine prochaine avec Manu et Cdiscount. Énergie. Énergie. Rico Show exceptionnel. Aymeric Bonnery et son équipe sont avec Zao. Dans le Rico Show sur Énergie. Oui les amis, ça y est, elle est là. Vous l'attendiez. Zao est avec nous. Yeah. Comment ça va, Zao? Quand on m'accueille comme ça, ça ne peut qu'aller bien. On est comme des oufs. Nous, tes chansons, elles nous parlent, on les adore. Il faut savoir que Dima, ton album qui est sorti en 2008 a été certifié disque de platine. On est tombé après sur Contagieuse, l'album qu'on kiffait 2012. Ouais. Disque d'or. Ah ouais, il a été contagieux, grave celui-là. On kiffe. On connaît tes tubes par cœur, on se les passe, on se fait une petite revue, Zao. Allez, c'est parti. Les amis, Zao, c'est ça. C'est les comas. Oh là là, ça, ouais, j'adore. Oh là, on va chanter ce soir, on va kiffer. Et aussi, je te promets, Zao. Mais je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Zao, tu vois, tu picores, il y a tout. Non, mais il y a du kiff, il y a un peu de love. Il y a du sucré, du salé. Ouais, c'est vrai, c'est pas comme toi. Toi, c'est toujours amer. Ah, moi, Zao, je te présente Sylvain, c'est l'homme amer de l'équipe. Pauvre. On a JM qui vient de la mer. Salut. Puisqu'il vient de Marseille. Et puis, on a Sarah la blédarde. On a deux accents forts normalement ici. Ouais. Ah bah là on y est, hein. Tu vas voir, c'est du tout au tout. Et Zao c'est aussi ça, c'est chelou. Ah bon, c'est elle ça? Tu imagines? C'est ça aussi, Zao. Et celui-là il est pour Sylvain, tourner la page. Le pauvre. Ouais, t'as vu. Il est méchant avec moi. Fais gaffe, il prend ça pour une approche. Ah oui, il est responsable, l'avait mis à côté. Ouais, attends, j'ai changé de place. Ouais, non, fais gaffe, parce que là, voilà, c'est. Mais t'inquiète, là, on va tourner. C'est que des tubes, Zao. Franchement, on est super content de t'avoir avec nous. D'autant que le dernier Ego passe en boucle sur Énergie. Ouais, ouais, ouais. On s'en lasse pas. À ce qui paraît. Voilà, hein. On se le met du matin au soir. Ce n'est jamais de ta faute. Bah Zao en feat avec Sean Paul. C'est vrai que c'est extrait d'un album en préparation. Et Banks & Ranks qui sont des grands DJ qui bossent avec Dua Lipa, avec plein de gens à l'Inter, qui réalisent le prochain Sean Paul aussi. C'est lourd. Ouais, ils sont archi lourds et tout le monde est content que ça se soit fait naturellement. Putain, c'est énorme. Et Zao, il y a plein de trucs là. J'ai mis que vous ne connaissez pas peut-être sur Zao. Franchement, Zao. Ouais, voilà, je viens sur la pointe des pieds, quoi. Ouais, si je te présente mes amis, vous allez voir les amis de Zao. C'est pas la même. C'est du lourd, les gars. Les repas doivent être sympas à la maison. Hein, vous allez voir. Je sais notamment que Zao, Kanye West et Rihanna ont voulu te prendre ton titre « Je rentre à la maison ». C'est vrai cette histoire? Est-ce qu'ils ont voulu le chanter, le faire ensemble? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour la vraie version, c'est un morceau de mon album qui était fini, écrit. Ouais. Et il y a eu un rendez-vous qui s'est fait avec leur management. Ouais. Et ils ont kiffé ça. C'était juste pour montrer une palette de ce que je peux faire. Mais moi, j'allais proposer d'autres morceaux. Ouais. Ils ont dit, on veut ça. Oh là là. Mais on veut garder le refrain en français comme ça. D'accord. Sauf que moi, c'était vraiment un pilier de mon album. Bah ouais. Et j'ai préféré le garder. Bravo. Pour moi. Oh là là, voilà. On ne s'est pas acheté par les Ricains. Les Rihanna, les Kanye West. Peut-être que j'aurais dû le donner. Ouais, peut-être. Mais voilà, c'était très flatteur de savoir que ça peut plaire justement en français à des Américains. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire à Rihanna et Kanye West, rentre chez ta mère. C'est fort, non mais c'est fort. Je sais que tu as collaboré aussi avec Céline Dion. Voilà, t'as fait trois chansons de son album. Ouais, j'ai réalisé écrit et co-composé trois chansons. C'est la classe. Attends, tu vois la vidéo où elle coach un petit peu vocalement Céline bien, et Sarah. Tout. Non, mais c'est incroyable, Zao, ce qu'elle fait. C'est pas vrai. Je te jure. Ah ouais, alors là, t'as du pain sur la planche ce soir. Ouais. Parce que Sarah Dublet est là. Après Céline, je coach Sarah Dublet. Les amis, on va se faire ça tout de suite. On aura le live d'Ego aussi. Ce n'est jamais de ta faute. On va kiffer. On est en live sur le Facebook d'Énergie. Venez nous voir. Et Zao est magnifique. Ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai. Zao est magnifique. Trop belle. T'es en train de dire qu'on est dégueulasse, c'est ça? Non, mais c'est bien que vous soyez à côté d'elle. Alors ça va. Ça met vraiment en valeur. En fait, vous mettez en valeur. C'est ça qui veut dire. C'est ça. Allez, on se met à meilleur longtemps. On se fait Sarah Dublet. Vous êtes sur Énergie. On est là jusqu'à 23h. Et vous êtes dans une spéciale. Zao, c'est le Rico Show. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps. Si t'es avec moi, c'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. On est avec Zao sur Énergie. Ce soir, ce n'est jamais de ta faute. Rico Show exceptionnel. Ce n'est jamais de ma faute. Émeric Bonnery et son équipe reçoivent Zao dans le Rico Show sur Énergie. Super contente d'avoir avec nous Zao. Ça va, t'es en forme? Bah écoute, toujours. From Montréal, m'a-t-on dit, ça y est, on est arrivé du Canada. Là. Du moins 20 au plus 3, on est sur au fait. Ça y est, c'est l'été, c'est pas cher. C'est l'été. On est bien, il y en a pour une pour qui c'est le grand jour. C'est la Blédarne, on l'a dit, Sarah Dubled. Alors, je te le dis, elle fait des millions de vues sur YouTube. Elle est comme une dingue à l'idée de faire ça avec toi. Elle m'a dit tout à l'heure, tu sais quoi? Elle m'a dit, je stresse parce que Zao, c'est quelqu'un. Bah, elle m'a dit vraiment. Ah ouais, en plus, en langage de Blédarne, quand on dit, hey, t'es quelqu'un, c'est que t'es vraiment quelqu'un. C'est ça me touche vraiment. Ah ouais. Venant de la Blédarde, ah ouais, franchement. Elle m'a dit, c'est quelqu'une. C'est quelqu'une, gars. Venez kiffer, tiens, sur le Facebook Live Énergie. Mesdames, messieurs, avant de se faire le vrai Zao, quand même, il arrive, Ego. Ce n'est jamais de ta faute. On accueille la Blédarde, Sarah Dublet. Oh, oh là là. Ça va, tais-toi, stop. T'as dit, j'ai fait quoi? Des milliers de vues? Des millions, monsieur. Ah oui, j'ai des millions de vues. D'accord. Tu te tais. Comme elle est belle, Zao, ça fait plaisir. Regarde, ah ouais. Elle a fait le brushing, le maquillage, elle a mis la veste en moquette. Elle, elle est belle, j'ai toujours, il y a des clous de partout. C'est beau, j'ai une moquette. Elle est trop belle, je te jure. Ah, ça fait plaisir, ça va, Zao? Alhamdoulilah, ça va. Tu me remets? Ça va, la je famille. Te remets. On s'est vu à quel mariage? On s'est vu au mariage de Khadija, du Khadou. Ah, oui, c'était ça. Ça y est. Non, mais tu te rappelles plus? Un petit remémoration. Ma sœur, il y a très longtemps, elle avait fait une reprise de toi, de ses chelous. On va écouter. Ah oui, c'est vrai? Oui, je te jure. Je la kiffe, ta sœur, en fait. Je la connais, ta sœur. C'était ma sœur, ma petite sœur, Mouskina. la tapette, c'est chou. Ah ouais. C'est moi qui lui ai appris à chanter. Tu sais quoi? C'est oui. ce jour-là où j'ai appris ce que c'était des onomatopées. Voilà, c'est elle. Et tu fais semblant de chanter, mais en fait, t'en as pas une dedans. C'est quoi? Ah, tu charries ma sœur. Elle est bien, je l'aime bien. C'est la famille, ta sœur. Non, la grande sœur, c'est au-dessus. Ouais. Alors, je vous explique un peu. En fait, Zao, là, elle faisait ma chanteuse et tout, mais avant, elle était opticienne. Je te jure, dans les rues d'Alger, à la sauvette. D'accord. On vendait des verres sans monture, sans verre, sans rien. Et en fait, un jour, elle s'est sauvée au Canada. Elle m'a laissée dans ma merde, je te jure. Et j'ai décidé d'ouvrir ma boutique d'optique qui s'appelle Aflulouche. Ah oui. Voilà. On vend de tout. On vend des lunettes, tu sais, avec les essuie-glaces, la buée. Et c'est d'ailleurs François Hollande, quand il a descendu les Champs-Élysées, tu te rappelles, il pleuvait. D'accord. C'est là les essuie-glaces. J'ai eu l'idée de génie. Je me suis dit, je vais faire des lunettes essuie-glaces. Voilà. Aflulouche, d'accord. Voilà, ouais, il aurait dû les porter. Je te jure. Et du coup, j'ai besoin de toi, Zao, pour faire la pub de Aflulouche, de ma boutique d'optique. Avec Est-ce plaisir. Que tu es d'accord? Tu regardes bien la caméra, c'est diffusé partout. Avec les plaisirs. Partout au bled, voilà. Avec les plaisirs. Voilà, on y va. Sarah Dublet sur Énergie dans le Rico Show, 20h, 23h, accompagnée de Zao. Je vais faire des vibes. Hein. Fais les vibes. Et j'aime pas ça, la boutique. Ah, les vibes. Vas-y. La principale fait que tu descendes les Champs-Élysées avec la buée. François, pourquoi tu m'as pas appelé? J'apprécie moins le fait que tu mates dans la rue avec tes loupes vissées. Et pour pas te faire cramer, tu mets les lunettes teintées. Tu louches, je le vois quand tu te mouches. Mouche. De la chnouna dans la bouche. C'est quoi toutes ces couches de verre sur nez? C'est des triples fois. Dis-moi, est-ce que tu connais? Je connais quoi? Tous nos verres teintés. C'est ça. Le bleu, le noir. Je te ferai un pipé d'Aflulouche. Si tu veux des verres pour mieux regarder, c'est quoi ces lunettes avec la buée? T'as qu'à mettre le chauffage ou les essuie-glaces. Aflulouche, si tu veux des verres pour mieux regarder, c'est quoi ces lunettes avec la buée? T'as qu'à mettre le chauffage ou les essuie-glaces. Aflulouche, louche tout le monde. Aflulouche, c'est pour les louches. Aflulouche, les louches. Aflulouche, même pour Gilles Lelouch. Direct dans le Rico Show. Quel talent, ça fait plaisir. Zao, elle chante bien. Je suis impressionnée, bien, je te jure. Eh, le duo fonctionne. Non mais attendez, pause. Ouais. Elle a fait une armo. Hein. Ah ouais. Ah t'as vu? J'ai vu. J'ai bossé 10 heures. Ah ouais. Ah ouais, c'est fort. Non mais attends, ça bosse. Hein. C'est la Bled Institute. Non mais ça se voit, c'est. Ouais, c'est au niveau. Merci. Franchement, bravo Sarah. Bravo. On s'est régalé. On va se demander évidemment ce qui est chelou ou pas chelou. Hein. C'est la question du soir. Vous allez nous raconter les choses que vous faites. Vous aussi, vous venez. 0800 70 42 48. On se met Kaiser Panda, les amis. Et puis derrière, on a le live de Zao. Bref, on va kiffer. On est là jusqu'à 23h. Et on va se faire une patate chaude spéciale Verlan. Énorme. También lo sientan en Venezuela, que lo mueve. Oye, la fiesta a ti te llama. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no, pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balque. De noche me floco como Yandé. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos. arriba. Siente el ritmo, mamita. Hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Que lo ve. Un, dos, tres, go. Que lo ve. Cayer, anda. Que lo ve. Rap, que le avec Zao sur Énergie. Ce soir, je n'ai jamais de ta faute. Zao. Et dans le Rico Show de 20h à 23h sur Énergie. Eh oui les amis, elle est là avec nous pour notre plus grand plaisir. On la kiffe, elle revient avec Ego. Ce n'est jamais de ta faute. Live à venir là dans 3 minutes. Le temps de se poser des questions, Zao. C'est vrai que ton titre c'est chelou. Voilà, pour moi c'est un mythe maintenant. Ouais. Tout le monde le connaît, tout le monde le chante. C'est fait partie de ces chansons que les Français se sont appropriées. Voilà. Bah, pour mon plus grand plaisir. Non mais c'est vrai, c'est fort. On la connaît tous et pour moi Zao c'est pas chelou, mais on adore. Déjà nous on est chelou. Hein. Ah bah oui. D'ailleurs on va demander à Zao si on est chelou ou pas. Vu que pour nous maintenant tu sais nous ça va vite hein, dans la tête. On s'est dit Zao c'est la spécialiste du chelou. Ouais. Donc Sylvain tiens est-ce que tu peux dire à Zao ce que tu fais elle te dira si c'est chelou ou pas. Ouais moi j'ai un truc de ouf. En fait je comment dire je frise du sourcil. Ah, c'est, ouais. Tu vois non mais entends plus. Ouais, bah oui, comme les rebeux entendent plus, mais on frise pas des mêmes endroits. C'est pense que tu dois avoir dans tes gènes un grand-père algérien. Kabyle. Il nous a fait croire qu'il était italien. Ouais, mais c'est le quart. Du coup, ça se reflète sur un bout de son sourcil. Et T'inquiète pas, Sylvain, il y a toi et Raymond Domenech. Vous êtes les deux au niveau des sourcils, appelle-le, il va te renseigner. On va prendre Cynthia qui elle aussi se trouve chelou. Et elle va te demander Zao ce que tu en penses. Ça va Cynthia? Salut Cynthia. Salut Zao, salut toute l'équipe. Salut Cynthia, merci d'avoir fait le 0800 70 42 48. On t'écoute, raconte-nous sur quoi tu serais chelou ou pas Cynthia. Alors moi je pense être chelou sur le sujet, mon mari quand il rentre le soir, il déshabille et il met ses sous-vêtements dans la machine. D'accord. Et je les ressors et je les sens. Là, c'est dégueulasse. Oui, bah déjà, félicitations, parce que t'es honnête. C'est cool, c'est une qualité, l'honnêteté. Mais oui, tu es définitivement chelou. C'est vrai. Mais je pense que tu le fais indirectement. T'es la meuf. Tu le fais indirectement pour voir où est-ce qu'il était juste avant de rentrer. Je pense que c'est bon, ça. Il y a un petit truc comme Est-ce que ton mec t'a déjà trompé, Cynthia? Non, mais bon. Oula, est-ce que t'as peur de ça? Ah oui. Oui. Ah ouais. Est-ce que c'est indirectement pour ça que tu fais ça? Dis oui, s'il te plaît, comme ça t'es moins chelou. Cynthia, au lieu de sentir son caleçon, regarde son téléphone. Voilà. C'est plus propre. Merci Cynthia d'être passée, on va te faire un cadeau. Et t'es pas chelou, t'inquiète, on te kiffe. Bisous ma Cynthia. Ok, ben merci. Plein de bisous, on te kiffe vraiment. Les amis, on a aussi Joseph qui est là. Ça va mon Joseph? Salut Zao, salut toute l'équipe. Salut, Joseph, toi t'as une attitude chelou, on t'écoute. Ah mais une attitude vraiment chelou, c'est qu'en fait, tous les jours, j'ai l'habitude, à une heure précise, donc à 13h45, et je peux avoir un truc urgent à faire, bah je le ferai pas à 7h06 pile. J'appelle un pote et on parle pendant 15 minutes montre en main que de sexe. T'es pervers, J'ai une autre théorie aussi. Vas-y ça c'est quoi, vas-y. Tu serais pas amoureux de ton pote. Tu voudrais pas te le taper. Énorme. Je suis sûr que tu y as pensé en plus, c'est rigole. Non franchement. Non, ça va pas. Du tout. Pas encore. Mais c'est un quart d'heure intense du sexe. Bah, c'est bizarre. Écoute, pour moi, c'est pas chelou, c'est bien. Moi, c'est. C'est du téléphone rose gratuit. Voilà, 15 minutes comme ça, il se défoule et puis voilà. Non, il part, non mais au lieu d'en parler, fais-le quoi. Ouais, non, mais ça prend plus que 15 minutes. Ça dépend pour qui. Ah apparemment Sylvain est sur un court métrage. Merci mon Joseph d'être passé, je te fais plein de bisous. C'est un kiff. T'embrasse mon Joseph. Ah, vous êtes pas chelou les amis. J'ai aussi un message. Il y a Marc qui dit moi tous les jours, je suis obligé de toucher mes pieds et de sentir mes doigts pour savoir comment vont mes pieds. Mais quelle horreur. Pour voir s'il doit les laver ou pas. Ouais. La légende dit que du coup il les lave souvent. Et puis il y a Juliette qui dit moi je mange le dessert avant le plat. Est-ce que je suis chelou ou pas? Ah non, ah définitivement non. pas. Et d'ailleurs, c'est plus conseillé de manger les fruits avant le repas. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, pour l'unique date, raison. Vas-y, vas-y. Non, mais de toute façon, dans le ventre, tout se mélange. Donc Non, c'est pas vrai. Alors, je vais dire la raison. C'est parce que les fruits, quand tu les manges avant, ça met 15 minutes à se. Mais Zao, elle est nutritionniste. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. En plus, j'ai commencé à le faire, c'est pour ça. D'accord. Alors que si tu les manges après, ça fait juste fermenter la bouffe que tu as mangée avant. Ah ouais, d'accord. Mais non. Voilà. Du coup, faut pas être sous la couette. J'ai compris. Allez, amis. On se fait le live d'Ego. C'est parti, Zao, est-ce que t'es prête? Toujours. Oh, ma Zao, elle est prête, elle est en forme. On va s'écouter Ego, un extrait d'un album qui est en préparation. J'ai hâte que l'album sorte pour se le procurer et kiffer. Et derrière, on se fera une patate chaude spéciale Verlan. Inscrivez-vous pendant que Zao chante. Rico Energy sur Snap, R-I-C-O-N-R-J. Vous appelez au standard 0870 42 48. Et vous allez voir qu'en fait, je vais donner un mot, genre à Sylvain, si je vais lui dire dis-moi comment on dit femme en Verlan. Meuf. Voilà, très bien. Et ça va être ainsi de suite. Et la patate chaude passera de main en main en fonction de si vous êtes capable ou pas de répondre en verlan, JM. Déjà, l'endroit qu'on a du mal, tu nous l'as fait en verlan. C'est vrai que Ouais, je pense que tout va partir de travers. Ah ouais. Allez, c'est parti. On a Zao avec nous. Tiens, sur le Facebook Live Énergie, sur la page, venez nous voir, venez kiffer. C'est parti, elle part en live avec son nouveau titre, Ego, qu'on kiffe, en feat avec Sean Paul, qu'on adore. C'est parti, Zao sur Énergie. It's never your fault. With a bang, bang, bang. Banks and ranks, Jean de Paul. Zao. Zao. C'est action vérité. T'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura marre. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a, c'est qu'on en aura mal. T'es prêt? Ce n'est jamais de ta faute. Ce n'est jamais de ma faute. À petit feu, on se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Et tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a, c'est qu'on en aura marre. Bang, bang, bang. Et tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a, c'est qu'on en aura marre. Ce n'est jamais de ta faute. Jamais de ma faute. Stupidity is incredible. Try lock you up for your richest staple. Bull be a stun like them name Carnival. Do your bad things that I feed them ego. Turn around, tell them I'm your real amigo. Bad problem, bad problem. C'est pas ta faute. Ce n'est jamais de ta faute. Zao. Ce n'est jamais de ma faute. Sur énergie. Remballe ton ego. Banks and Rex, Sean Paul, Ego. Zao, en direct. Show. Ce soir, Rico Show exceptionnel. Aymeric Bonnery et son équipe sont avec Zao. Dans le Rico Show sur Énergie. Yes les amis, vous êtes hyper nombreux à commenter, à me dire Zao c'est un truc de ouf, on kiffe trop ton son. C'est Caro qui nous dit ça. Il y a le Maxime. Clip justement. Ah ouais, allez-y avec le clip avec Sean Paul. Il y a un super clip sur YouTube qui est sorti et qui est déjà en ligne, Zao. Oui, et même si vous regardez bien jusqu'à la fin, on peut découvrir Sean Paul dans une certaine tenue qui est familière à Sarah Labédarde. D'accord. Ah, d'accord. Ah ouais, ben j'ai hâte de voir ça. Il est déguisé en Qatari en fait. Sean Paul du Bled. Sean du Bled. Sean Paul. Cher Sean Paul. Non mais bravo en tout cas. Et Sylvain, je connais ton regard. Je sais que là tu te dis Zao, elle est belle. Hein. Ah mais c'est une très très belle femme. Ah, en plus on est de la même génération. Donc bon. C'est pour ça qu'elle connaît les loupards dans ton genre. Et qu'elle va s'en éloigner très vite. Non mais en tout cas bravo ma Zao. Est-ce que je kiffe moi dans tes sons, c'est que voilà, c'est moderne, c'est jeune. Et puis tu nous parles quoi. Tu nous parles parce que tous tes mots ils sont choisis. Moi j'adore. Elle a toujours été précurtrice, on dit comme ça. Précurtrice. Toi tu peux. Sarah la précurseur. J'ai fait une rechute parce qu'à l'époque, moi je me souviens, là maintenant c'est à la mode les covers, etc. Mais à l'époque, elle avait repris des sons de Nelly Furtado il y a très longtemps à sa sauce. Ah d'accord. Et franchement, une tueuse et c'était la première à faire ça. C'était une pionnière. Une pionnière. Ouais. Ça va le retenir, t'inquiète pas. Ça va retenir, bravo. En tout cas, bravo Sarah. Et t'as toujours le mot. Le mot artistique. Le mot pour rassurer. La précursivité. Elle a juste le mot, hein, pour côté. Miel sur le macro. Voilà, c'est vrai, c'est un petit peu ça. Et du coup, moi, je me suis dit, on va se faire une patate chaude. Donc, tu vas jouer, Zao. Allez. Tu vas jouer et tu vas remplacer Jem qui est trop fort. Ah bon sur le ouais parce que Sylvain il est pas bon. Sarah vous l'avez vu sur le précurseur. Jem il va nous tuer le jeu. Bon d'accord. Donc, on va jouer avec Zao, Sarah et Sylvain. Yes. Vous allez représenter chacun un auditeur qui nous écoute. Ok. Je vais vous donner un mot en français et vous allez devoir me donner son verlan. D'accord les amis. Il y a Yousra qui est là. Ça va Yousra? Salut l'équipe. Salut Zao. Salut Yousra. Salut Yousra. Salut. Yousra, tu peux gagner un très beau cadeau. Qui est-ce que tu choisis? Alors moi je vais prendre Sylvain parce que c'est 3 fois qu'il gagne. C'est vrai. Pas mal. Et il regarde Zao, il fait ouais. C'est lui qui fallait sortir Rico, c'est pas moi putain. Il dit quand même, il dit ouais j'ai un peu de culture. Charles les armes. Toi qui te vends au niveau du bulbe et du cerveau. On aura tu veux. Ok Yousra, il joue pour toi. Il y a Maxime qui est là. Ça va Maxime? Ouais, salut Rico, salut toute l'équipe. Salut Maxime. Salut Maxou. Salut Zao. Tu choisis le kiff dans tous les sens du terme. Ah j'aime bien le dans tous les sens du terme. Il y a ce mec qui a fait comme toi, genre c'est sa meuf, tu sais. Non mais lui, il a été direct au moins. Il a pas fait, ouais, je connais le verlan de toutes les... Il allait droit au but. Tu vois, je pense que Zao, elle est bien quand on est plus direct. Voilà. C'est un moment qu'elle t'a senti venir. Ok Maxime, Zao jouera pour toi. Et pour terminer, Cécilia, t'as choisi la blédarde à ton grand regret. Je te jure par des piches. Bonsoir, Cécilia. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Ne t'inquiète pas Cécilia. Attention c'est parti les amis. On joue à la patate chaude. Je vous donne un mot classique. Vous devez me donner en verlan. On démarre. Vous êtes prêts? Une minute de patate chaude. Chaque fois que vous répondez bon, ça va à l'autre. Et puis si elle pète dans vos mains, vous êtes éliminé. D'accord? Allez. Une minute de patate. C'est parti. Je te la file Sylvain. Top, on y va. Sylvain, comment on dit moi en verlan? Wam. Bonne réponse. Zao, comment on dit parent en verlan? Grand-pa. Bonne réponse. Sarah, comment on dit flic en verlan? En gros ou en mot de jeu? Keuf. Bonne réponse. Sylvain, comment on dit français en verlan? C'est froid. Bonne réponse. Attention, Zao, comment on dit bombe en verlan? Bebon. Bonne réponse. Ouais. Attention, comment on dit louche, Sarah? Ah, c'est chelou. Sylvain, dingue. Guedin. Bonne réponse. Petit, Zao. Petit peu. Défoncé. Foncedé. Sylvain, pourri. Ripou. Barrette. Rête pas. Bonne réponse. Ça fait chier ça. Ah ça fait yesh. Tout nu ou à poil? À poil. Walp. Ouais, bonne réponse. Attention, laisse tomber. Laisse béton. Bonne réponse, frère Sarah. Refrain. Bizarre Sylvain. Zarbi. Bonne réponse, Maté Zao. Théma. Je ne sais pas. Chéap. Bouche Sylvain. Chebou. Je suis désolé Zao beat. Tub. Rica ça. Américain. Ah ben Rica. Cari. Sylvain. C'est toi qui récupères la patate chaude. Elle était malade, elle a explosé avant. Ah ben non, elle a répondu positivement avant qu'elle explose. Sylvain, t'es éliminé, mon frère. Ce n'est jamais de ta faute. Eh ouais, c'est jamais de ta faute. Je suis désolé de t'avoir fait dire tub, Zao. Bien sûr, c'est pas calculé du tout. Non, sur la tête de ma mère, non. Mais dans ma bouche, c'est un mot poli. Je suis désolé. On enchaîne, donc du coup, l'éliminé, c'est Yousra. Mauvais plan. Ouais. Mauvais plan. Ah mais c'est pas dû à moi, attends. Attention les amis, on démarre. On a Zao, on a Sarah. On essaye de mettre les mots à l'envers les plus connus. C'est parti, on y va. Il reste donc Maxime et Cécilia. On va te faire un cadeau, Mayusra, ne t'inquiète pas. Attention, vous êtes prêtes les filles? Allez. Vous êtes vraiment prêtes? Bah oui. Allez, on se met, allez hop, on va. On est là sur Énergie jusqu'à 23h. Eh ouais, c'est la finale les gars. C'est la grande finale pour le gros cadeau. Et t'entends, c'est la fanfare là. Ce soir, ce n'est jamais de ta faute. Rico Show exceptionnel. Ce n'est jamais de ma faute. Émeric Bonnery et son équipe reçoivent Zao dans le Rico Show sur Énergie. Eh oui, elle est avec nous et elle nous présente son titre qu'on écoute en boucle déjà sur Énergie Ego. Ce n'est jamais de ta faute. Qu'on kiffe. Et d'ailleurs, Zao, pour terminer l'émission, on va appeler des hôtels, toi et moi. Allez. Et on devra placer des titres à toi. Alors, il y aura, je te promets, Laissez les Kouma, C'est chelou. Comme tous les soirs, La Retourne et Ego. Ouais. Hein, tout ça dans une réservation, d'accord, d'accord. Il faudra réserver en 1 minute 30 sans se faire accrocher et caler les 6 titres. C'est toujours un moment sympa. Mais là, on est dans la finale. Zao, tu représentes, on a dit Maxime et Sarah, Cécilia. C'est ça. Je vous donne des mots et vous devez me donner le verre. Non. Attention, ça va jouer en 45 secondes. Oh, c'est très rapide. Autant se repasser la pasta. C'est en verlan, ça, non? Ouais, ça, c'est en verlan, c'est en Sylvain Potard. Tout ce qui sort de ta bouche est comme ça. Attention, on est parti. Zao, ça démarre avec toi. Top. Comment on dit vas-y? Ziba. Bonne réponse. Carotté, Sarah. Rodka. Pied, Zao. Yep. Saint, Sarah. Ins. Bête, Zao. Teubé. Chaud, Sarah. Hoche. Énervé, Zao. Vénère. Bâtard, Sarah. Tarba. Grave. Zao. Grave. Fais le verlan de grave. Veux grave. Bonne réponse. Okay, attention, moche, Sarah. Dit, hein. Chemo. Non, Chem. comment on dit brancher, Zara? Chebran. Rigoler, Zao. Gaulerie. Lourd, Sarah. Relou. Sec, Zao. Il est dur celui-là. Cosse. Bonne réponse. Bien. Pompe, Sarah. Pompe? Oui. Oh. Pompe. Quoi, non mais pompe ou pompe? Pompe. Ah, je sais pas, des peupons. Bah oui, bah c'est trop tard. C'est Zao qui gagne, les amis. Elle a fait exprès pour les égaler. Même pas. Maxime, grâce à Zao, tu l'emportes. Merci, c'est au top. Bah c'est, en plus, t'avais bien raison de me kiffer dans tous les sens. Kiffer Zao, elle vous le rendra. Ah ouais. Et Sarah, t'as fait exprès ou quoi? Je t'ai senti. Mais justement. Mais non, mais tu sais que moi, elle m'impressionne. Je perds mes mots, donc j'ai perdu mon mot. Ah bah. Mais je te jure. Désolé. Ouais, en plus, elle a de plus en plus de mal avec les mecs. Zao, fais gaffe. Je te dis ça comme ça. Attention, elle est mariée, mais elle peut plus kiffer son mec. Ouais, ça y est. Ni aucun mec, hein, donc je te le dis. Non, mais elle connaît pas ce mot-là, surtout pour elle. Hein. Ouais, c'est pas dans son vocabulaire. Pardon. Mais c'est une blague là, comment tu parles? Il est fou ce mec. Les peupons, c'est les chaussures. C'est les connotations. Je savais qu'il parlait de ça. Mais c'est les chaussures, les peupons. Ah, d'un coup, c'était pompé. Ben oui. Mais il est malade. Mais il est fou ce mec. Hey, il m'a choqué, Zao. Zao n'est pas bien. C'est pas toi qu'on appelle 15 minutes par jour. Non, c'est lui. Oh, lui, c'est une petite heure. C'est une petite heure pour parler de sexe. Cécilia, on va te faire un cadeau. Tu raccroches pas, t'inquiète pas, tu l'as bien mérité. C'est gentil, merci. On t'aime, ma Cécilia. Au revoir, Cécilia. On t'embrasse. Bonne soirée, l'équipe. Au revoir. Merci. Au revoir. On te kiffe. Et bravo, Maxime, encore une fois. On t'embrasse. Bah, salut. Ouais, bah, merci. Et merci, toute l'équipe. Vous êtes au top. Continuez comme ça. On t'aime, Maxime. Merci. Zao, pareil. Merci. Hein. Gros bisous, Maxime. Maxime, si t'achètes pas l'album, on te tue. Va juste voir le clip pour l'instant. Ouais, c'est va voir bien. Le clip puisque l'album est en prépa et tu nous diras un mot avant de se quitter. Zao, on démarre l'hôtel fun. Allez. Allez, on appelle un hôtel. On fait pas de bruit du tout dans le studio. Et toi, t'essayes de faire ta Reza. Alors t'as 1 minute 30, fais gaffe parce que les mecs ils sont un peu longs au standard. À toi de les guider un peu comme tu veux avec des questions, etc. Ok. Tu vas voir, sinon ils t'embarquent sur des cartes de crédit tout de suite. Ouais. Et c'est l'enfer. Si le mec te dit ne quittez pas, tu fais non, j'ai pas le temps et tout, tu vois, on est à fond quoi. Réceptionniste chez Ibis. C'est grave. Évidemment, non, mais c'est en numéro masqué là. C'est en numéro masqué, mais il répond. Okay. Il répond. C'est parti, on y va. On appelle Marseille, la Villa Massala. Hein, ça devrait bien se passer. Tu dois placer, je te promets, laisser les Kouma, c'est chelou. Comme tous les soirs, la roue tourne et égo. Bienvenue à l'hôtel Villa Massala, bonsoir. Oui, bonsoir, ça serait pour me renseigner sur des réservations, s'il vous plaît. Je sais que c'est chelou d'appeler à cette heure-ci, je ne sais pas si vous êtes déjà fermé, non, si? Ben, nous, on est ouvert 24 heures sur 24. Ah, hein. Comme tous les soirs, ok, pardon, excusez-moi. Du coup, j'aimerais voir les prix, les tarifications pour des chambres d'hôtel lit double. Oui, il me faut juste une date, sachant que les tarifs que je vais vous communiquer ce soir sont valables 24 heures. 24 heures, le temps passe vite, la roue tourne, on sait, oui, effectivement. Oui. Mm-hmm. Alors, du coup, moi, je vous parle franchement, j'ai pas d'ego, donc si c'est à côté de... s'il y a des chambres préférentielles qui coûtent moins cher parce que c'est une vue pas très sympa, moi il y a pas de problème, hein, vous me dites, je cherche des tarifs pas chers. Alors quel est votre budget, madame? J'ai les fonds, c'est pas le problème, c'est juste que ça serait pour réserver dans un bref délai. Peut-être avant la fin de l'année, peut-être que les tarifs sont plus montent plus. C'est pour ça que je vous dis que j'ai des restrictions. Donnez-moi les dates auxquelles vous souhaitez. Tout dépend. Par exemple, à partir du 20, décembre, oui. Jusqu'au 30. Au 10 jours, quand même. Oui, 10 jours, oui. Parce que, d'accord. Enfin, je vous appelle du Canada, hein, désolé. Je vous en prie, madame. Je suis là pour ça. Alors, du 20 au 30, donc 10 jours. Combien de personnes, madame? Deux personnes qui parlent... l'autre personne parle anglais, donc c'est vrai que... Non, c'est pas un problème. J'imagine qu'à la réception, vous parlez toutes les langues... Alors, donc vous souhaitez venir du 20 au 30 et vous serez deux personnes? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous dire. Il se peut que les tarifs varient entre certains jours, etc. et tout. Et je vais vous dire. Ah ben, Non, pas du tout. Il y a une moyenne pour ça. Si vous voulez une chambre la moins chère possible, elle est à 130 euros. Ensuite, on a d'autres. 130 euros par jour, hein, madame. Je Et l'autre, 165 euros par jour. Ah oui, oui, c'est bien ça. Voilà. 165 euros, vous avez une vue sur la mer. 130 euros, oui, vous avez. Oui, bah là, ça va être gratuit, mais c'est les Koumas. Je vais la placer comme ça parce que j'ai dépassé le délai. Voilà. Énergie. Je m'appelle Aymeric Bonnery, c'est le Rico Show sur Énergie, 20h-23h, et vous étiez avec Zao. Elle devait placer tous les titres de son album. Il y a eu une période où elle a eu du mal avec Je te promets, mais laissez les quoi. Mais elle a réussi quand même. Ouais. En 3 minutes. Non, mais je voulais pas que ça raccroche avant. Bah c'est oui. ça le truc. J'ai tiré le truc pour que rester bien. Crédible, tu vois. Ça a été calé, monsieur, quand même. Hein, c'est calé. Très bien. en tout cas, je vous fais des bisous. Ah oui. Vous étiez. Formidable. Raccrochez pas d'ailleurs, on va vous faire un petit cadeau, d'accord monsieur? C'est gentil, merci. Il fait plaisir, il vous appelle chelou. Il est au top, franchement. Il est au top. Je le fais ça, j'essaie de le placer en une minute. Allez, une minute. Attention. Une minute. Coupez-vous, chromis. C'est l'orangerie. Celle des chaussures d'orangerie, bonsoir. Bonsoir madame, je souhaiterais savoir si vous avez des chambres, s'il vous plaît. Pour ce soir? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Parce que comme tous les soirs, j'ai mon téléphone qui déconne. Oui, ce serait pour lundi prochain, pardon. Lundi prochain? Vous avez dites-moi. Ouais, vous avez des chambres, j'espère, non? Oui. Pour une personne? Ouais, franchement, j'ai eu chance. Ouais, pour une personne, s'il vous plaît. C'est chelou. Hein, mais... Pourquoi vous avez beaucoup de chance? Ah, parce que j'ai galéré, madame. J'ai galéré, bon. Je vous jure. Alors, on a une des chambres classiques encore disponibles. Ah, je te promets, c'est super. On va là-dessus. Moi, voilà, j'ai aucun problème. Ouais, on va pas se tutoyer non plus tout de suite. Hein. Pardon. Donc, elle fait 96 euros la chambre. Ouais, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas trop d'ego, moi. Voilà. C'est un canular, dites-le tout de suite, parce que je veux pas perdre mon temps. Ah non, madame, vraiment non, pas du tout. Laissez les Koumas de côté. C'est parce que je suis là le soir que je travaille pas. Hein, non, donc, je vais pas perdre mon temps avec vous. Comme tous les soirs, madame, je le sais très bien, la roue tourne en fonction des clients que vous avez. C'est vrai que moi, je suis un petit peu chelou, c'est chelou. Mais je te promets que je suis sérieux. Effectivement. Voilà. Bon. Alors, on peut réserver sans égo, on y va? Oui, avec ou sans égo, vous pouvez réserver. On va laisser les Koumas, d'accord? Oui. Je souhaiterais, comme tous les soirs, savoir si vous avez une chambre, tout simplement. Alors, j'ai des chambres à 96 euros. La roue tourne. Oh là là, ça, j'ai beaucoup de chambres. D'accord, je la prends tout de suite. Votre nom, téléphone et un numéro de carte bancaire. Alors, c'est peut-être chelou, mais je m'appelle Monsieur Martinez. Voilà, Martinez. Mm-hmm. Voilà, Martinez, Ego. Voilà, ça va être... Votre téléphone, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que là, la roue tourne. Je suis en train de regarder ça. Alors, 06. Oui. 12. Oui. 24. Attends, je te promets, je ne me rappelle jamais de celui-là. 32. Oui. Alors, ma fille me disait, laissez les Koumas. Voilà, 14. 14. Et le dernier, je te promets, c'est 12. Attendez, j'ai trop de chiffres là. Ah bon? C'est pas vrai. Si. Bon, écoutez, c'est chelou. Hein. J'ai madame, vous êtes en direct sur Énergie, on vous a piégé, on est là. Oui, bien sûr. Je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et je vous ai placé à peu près 4 fois tous les titres de Zao. Zao qui est avec nous en direct sur Énergie, on voulait vous faire plein de bisous et c'était qu'un petit jeu. Ça va madame? Eh ben ça va très bien, oui. On va vous faire un petit cadeau, je m'appelle Aymeric Bonnery, je suis avec Zao. Salut, merci de votre temps et puis de votre patience avec l'anime. Attendez, je mets le haut-parleur, mon collègue vient d'arriver là. Ah d'accord. Bah voilà. Vous allez partir. D'accord, eh ben, on embrasse également votre collègue, vous êtes en direct sur Énergie et franchement. En direct sur Énergie, pardon. Ouais, si vous achetez pas Zao là, avec tous les titres qu'on a passés, on sait pas quoi faire. Le clip d'abord, allez voir le clip avec Sean Paul, on vous embrasse, on vous fait plein de bisous. Merci Zao, vraiment d'avoir été là. Merci à toi. Attends. On s'est marré. Et t'as vu là, on a balancé du titre. Hein, là, Ah non, mais toi, t'as fait tout deux, trois fois. C'est, là, je crois que t'as perdu un fan. C'est Noël. Ego, qu'on adore. Allez, foncez sur YouTube, c'est un vrai kiff. On vous aime très fort, les amis, merci d'être là. On va se retrouver demain dès 20h pour un kiff. Zao, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de se quitter? Bonne année, joyeux Noël et bonne fête. Eh ben, on t'aime très fort. On te souhaite le meilleur et tu reviens quand tu veux dans le Rico Show. Merci t'es ici beaucoup, chez toi. Merci, vous êtes au top. Merci vraiment, Zao. Merci l'équipe, merci tout le monde et merci à tous qui sont voilà, sur Facebook et avec nous sur tous les réseaux Rico Energy, sur Snapchat. Et n'oubliez pas l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Allez, c'est Mickaël maintenant. Voilà, comment ça va les amis? Ça va gros? Salut. Bah, ça va, tranquille, tranquille. Écoute, à la cool, Zao va bien, tout le monde va bien. Écoute, je vais bien, et toi? Bon, bah, écoute, ça va, tranquillement. Ouais. Froidement. Tu peux pas dire froidement. Non, c'est vrai, envoyé c'est au Canada, tu vas pas. Ouais, mais là, c'est pas le même froid. Non, mais c'est vrai, t'as fait le Canada, toi, Mickaël? Ouais, j'ai déjà fait, mais pas en hiver, j'ai pas les couilles. Alors, attends, juste un truc. Il paraît qu'au Canada, les filles sont les. Voilà. Hein, sont les ont rattrape l'hiver. Oui, tout à fait. Mickaël, oui, t'as pu constater vrai. Ça bah, non, je n'ai pas pu constater, mais je suis avec Tov qui a peut-être pu constater lui en revanche. Bah, viens l'hiver, tu vas voir. Ouais, bah, c'est ça, c'est la chaleur humaine. Hein, allez, on ira faire une émission en direct de Montréal. Ah ouais, bah, hop, c'est vendu. Il n'y aura pas de bureau. Il n'y aura pas de bureau, c'est pas grave, on fera dehors. Il n'y a pas de soucis. Bon, salut les amis, passez une bonne soirée. Salut. Allez, tcho tcho. Et on se fait le son de Lady Gaga et Bradley Cooper, tiens, pour démarrer. Du coup, si vous voulez parler avec nous, bah, comme d'hab, hein, 01 40 71 5000, les amis, vous nous appelez, vous passez en live dans l'émission. On est là comme tous les soirs à partir de 23h. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I find myself